les encourager avec les acclamations. Yes. Asema Yesu unisambie. Alléluia. Dieu a fait de nous ses choix. Nous sommes le choix de celui qui nous a créés. Alléluia. Nous avons multiples raisons de le louer. Pendant ce temps, la chorale nous donne aussi un cantique de louange. Ensemble avec l'assemblée, nous allons louer notre Dieu. Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux faire ça pour la gloire de Dieu? Tu peux faire ça. Tu peux faire ça pour la gloire de Dieu. Mais ne sois pas froid dans la présence de Dieu. Il faut être chaud, chaud dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix pour la gloire de Dieu? Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même. Ah. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. Il est le même éternellement. Chantons tous ensemble. Il est le même. Ah. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. Il est le même éternellement. Est-ce que tu peux faire de bruit pour Jésus? Est-ce qu'il y a du moment qui peut faire des bikélékélé? Oh, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même, ah. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. Il est le même éternellement. Chantons tous ensemble. Il est le même, ah. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. Il est le même éternellement. Moi, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Ah, dans la vie de chaque jour. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je ne vais jamais. Et moi, je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je ne régnerai pas jamais. Et moi, je vais sauter pour Jésus. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Hey Yahweh, Kumama, hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama Yahweh. Hey Yahweh, Kumama, hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, les hommes que tu as sauvés. Ces sont décidés de te chanter, hey Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, les hommes que tu as créés. Ces sont décidés de te chanter, hey Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, nous t'acclamons aujourd'hui. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama Yahweh. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Danser, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger, bouger. Danser, danser, danser, danser. Danser, danser, danser, danser. Sauter, sauter, sauter, sauter. Sauter, sauter, sauter. Okay. Ah, bien là, yo. Zero, yo komi singa eroe. Alandenge yo bongi singa. Yo zwa kinga nase, yo se kinga likolo e. Alandenge yo bongi singa. Yo talandenge yo bongi singa. Lelele, yeso yo talandenge yo bongi singa. Yo talandenge yo komi singa. Lelele, yeso yo talandenge yo bongi singa. Yesu yo zwa kinga na zero, yo komi singa eroe. Alandenge yo bongi singa. Yesu yo zwa kinga na se, yo tombo li likoloe. Alandenge yo bongi singa. Yesu talandenge yo komi singa. Yesu yo. Yesu yo talandenge yo bongi singa. Talandenge yo komi singa. Yesu yo. Est-ce que tu peux faire des milolo? Chakua, chakua, chakua, leo. Imira, chakua, masira. Chakua, chakua, chakua, leo. Aweye dada, awewe mama, aleo leo. Imina chakua masia, awewe baba, chakua, wewe mama, chakua, leo leo. Imina Ay, chakouale. Ay, chakouale. Ay, chakouale. Ay, chakouale. Oh, chakouale. Ay, chakouale. Yesu chakouale. Yesu chakouale. Christ. Amen, amen. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchit devant son nom et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jéhovah est son nom, le puissant guerrier, il est fort dans les combats. Est-ce que quelqu'un peut tourner encore son regard vers celui qui a vaincu la mort? Comme les choristes l'ont dit, Tembe et Sili. Tembe et Sili. Mouswahili et Akwetu, on peut même dire Misa et le Chiku Irisha. Parce qu'il y a eu un homme qui s'est tenu et qui a affronté la mort. Personne ne pouvait croire. Personne ne pouvait accepter. Mais Jésus-Christ savait la raison pour laquelle il est descendu sur terre. Il a accepté de laisser le trône afin de descendre sur terre, mourir pour vous et moi. Il s'est fait pécher à cause de nos péchés. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, lui dire: Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as fait pour ma vie. Merci pour ce que tu as fait pour mon église. Merci pour ce que tu as fait. Alléluia. Pour mes parents. Merci Seigneur Jésus. Ni t'étais toi. Ni son ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Ni t'étais le sacrifice. Qui vient, Seigneur. Ni t'étais le sacrifice de la croix. Qu'est-ce que je pouvais être? Alléluia. Oh, sois élevé. Le puissant guerrier. Le fort dans les combats. Celui qui a vaincu la mort. Celui pour qui nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes et nous bénéficions de toi, Seigneur. Nous bénéficions. Oh Dieu, tu nous as payé à ta raison. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Voilà où tu es, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à le bénir. Seulement les instruments, nous bénissons le Seigneur. Élève ta voix là où tu es, commence à bénir. Prends le temps de bénir ton Dieu bien-aimé. Beba wakati ya kubariki Mungu wako mpendwa. Prends le temps de bénir ton Dieu. Beba wakati ya kubariki Mungu wako. Il n'y a rien qui dépasse le Seigneur. Hakuna kitu kinapitika Bwana hivi. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Alléluia. Compte les faveurs de Dieu dans ta vie. Compte les faveurs de Dieu dans ta vie. Alléluia, merci Dieu de grâce. Alléluia. Merci Dieu de grâce. Alléluia. Merci Dieu de grâce. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Sans l'Éternel qui nous protégea. Oh, si Dieu ne nous a pas protégés. Si Dieu ne t'a pas protégé. Kama Mungu asiweza kulinda. Mon âme bénit l'Éternel. Nafsi yangu inabariki Bwana. N'oublie aucun de ses bienfaits. Na isaulike hata mema moja yake. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'élève, Seigneur. Oui, tu pries bien, monte encore en prière. Ukonaomba vizuri panda tena katika maombi. Monte encore en prière, bien-aimé. Monte encore en prière, tu pries bien. Panda tena ukonomba vizuri. Oh, il est merveilleux ce matin. Eko mwema yasubuhi. Il est merveilleux. Eko mwema. Le dernier dimanche du mois de juillet. Djunga ya mwisho ya mwezi ya saba. Ce Dieu-là, il faut l'adorer, il faut l'élever. Uyu Mungu nafasali kumwabudu na kumsifu. Bénis son saint nom. Bariki jina lake. Parle de sa grandeur dans ta vie. Semesea ukubwa wake maisha yako. Oh, merci. En santé. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ma santé, yes. Je bénirai ton nom en tout temps. Nitabariki jina lako kwa wakati zote. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Baba, ton asem accent a subuyeye. Parce que nous sommes dans le véritable et tu es le véritable Dieu. Alléluia. Sois élevé. Unyanyuliwe. Au nom de Jésus-Christ. Mouchina la Yesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Unaweza kusimamia yulu na unashangilia vizuri. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Shangilia tena kwa ajili ya Bwana. Est-ce que tu peux acclamer correctement? Uifanye tena vizuri mashangilio yako. Tunaweza debout et acclame, acclame, acclame. Shangilia tena, shangilia tena, shangilia tena. Acclame le Seigneur. Shangilia tena vizuri. Oh, acclame le Seigneur. Oh, shangilia tena. Acclame le. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ceci. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est le culte à l'éternel. Dans le culte à l'éternel, chaque geste compte. Chaque geste traduit ce qu'on veut avoir. Alléluia. Amen. Il faut bouger quand Dieu bouge. Vous savez, quand ils étaient dans le désert, même s'ils préparent le foufou, dès que ça bouge, ils prennent leur brasero, ils partent avec. Ils ne vont pas dire non, non, que j'attends d'abord que je mange. C'est Dieu qui fixait le rythme. Quand tu es dans la présence de Dieu, laisse Dieu fixer le rythme. Alléluia. Amina. Alors salue quelques personnes autour de toi. Dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amina. Qui n'a pas été salué? Nani ou là-bas comme l'amitié? Ou qui n'a pas bougé pour saluer quelqu'un? Nani ou là ce que l'amitié comme tout moja? Alléluia. Amina. Je suis aussi dans la joie. Na quoi katikafura? De revoir la maison de Dieu. Bonjour, grâce. Ça va? Ok, nous bénissons les Seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les? Tuna wewe sata na kushangilia nguvu sana. Merci, est-ce qu'on peut se rasseoir? Accent Simonaweza Kwikala. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur maintenant pour vous-même. Parce que vous faites bien les choses. Voilà. Oh, que Dieu soit béni. Nous lisons Juges 6. Tunasoma wa Amzi sura yake ya 6. 14 à 16, je vais introduire un thème que nous allons développer toute la semaine. Tutaingisha kisina ambao tutaanza nacho wiki mzima. Et je vais prier de me suivre vraiment attentivement ce matin et à la technique de m'accompagner. J'aimerais que le sous-thème que je vais donner du thème soit écrit au tableau. Alors vous écrivez sans erreur. Juges chapitre 6, verset 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Bwana akatazama akasema. Va avec cette force que tu as. Nenda kwa uwezo wako huu. Et délivre Israël de la main de Madian. Na ufungue Israeli katika mikono ya Madiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je si mimi nakutuma. Gédéon lui dit. Gideon akamwambia. Ah mon Seigneur. Ah Bwana. Avec quoi délivrerai-je Israël? Na nini nitaweza kufungua Israeli? Voici. Tazama. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Jama langu inakuwa maskini zaidi kumanaseo. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Na nakuwa mdogo zaidi mnyumba ya baba zangu. L'Éternel lui dit. Bwana akamwambia. Mais je serai avec toi. Akika nitakuwa pamoja nawe. Et tu battras Madian comme un seul homme. Na utapiga Madian kama mtu mmoja. Seigneur, je te recommande la parole de ce matin. Bwana nakuachia neno za asubuhi ya leo. Cher Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Saisis mes pensées, ma bouche. Sikia atafikiri la kinywa changu. Saisis nos cœurs. Shika mioyo zetu. Et que cette parole soit transmise en toute liberté. Ili neno hili lipate kuondolewa na uhuru wote. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Le sous-thème que j'aimerais aborder ce matin, cette semaine, na kisina ndoko kile tutaleta ya asubuhi hata wiki mzima, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Inakuwa ni paka onyo. Non, je savais qu'on aurait des problèmes en Swahili. Je vais expliquer. Alors, dis à ton voisin, sema na jirani wako, ce n'est qu'une illusion. Inakuwa ni paka kulota tu. Non, non, on va trouver le mot Swahili, ne vous en faites pas. Alors, qu'on écrive la phrase. Ok, écrivez la phrase. Ce n'est qu'une illusion. Inakuwa ni paka kulota tu. Mvurugo tu. Hakuna problème, on va trouver. Amen. On va trouver la traduction exacte. Écrivez-moi la technique. Ce n'est qu'une illusion. C-E, espace, N, apostrophe, E-S-T, qu'une illusion. Il n'a quoi ni pas qu'à Oudanganifo. Écrivez ça en grand. Oui, on dit que Katika Unene. Ce n'est qu'une illusion. Il n'a quoi ni pas qu'à Oudanganifo. On attend que la technique écrive pour que nous ayons tous. Voilà. Mettez ça au milieu en grand. Ce n'est qu'une illusion. Inakuwa ni paka udanganifu. Dans la vie, mumaisha, plusieurs, wengi zaidi, nous vivons par rapport aux illusions. Tunakuwa naishi muudanganifu. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de beaucoup de sortes d'illusions. Na Bwana niliweka kuro ili nipate kuzungumzia manamna ya mingi ya udanganifu. Qui freine ou qui bloque la vie des enfants de Dieu. Ile nakuwa nasimamisha maisha watoto wa Mungu. Alors avant de continuer, j'aimerais définir d'abord l'illusion, c'est quoi? Sasa kabla ya kuendelea napenda nipate kuleta tamko ya hii udanganifu ni nini? C'est là que nous allons nous comprendre. Na ni hapa tutaweza kuelewa. C'est quoi une illusion? Udanganifu inakuwa nini? Inamaanisha nini? Il y a beaucoup de définitions. Kuna kuwa hata matafsiri nyingi. En optique, en médecine, en ceci, mais je vais essayer de synthétiser parce que j'introduis aujourd'hui. Na tutaweza kuifupisha kwa sababu tunafanya kiingilio leo. Premièrement, une illusion, kia kwanza udanganifu, est une interprétation fausse de ce que l'on perçoit dans la vie. C'est une interprétation fausse. Ah, inakuwa utafsiri wa biabongo de ce que l'on voit. Kwa ile tunaona na macho. Non, je vois quelque chose. Naona kitu kimoja. Mais l'interprétation que je fais de la chose. Lakini utafsiri ambao mimi nafanya kwa kile kitu n'est pas celle-là, n'est pas la bonne. Ile aina ya ukweli. Elle peut être créée par plusieurs autres problèmes. Na inaweza kutungwa hata kwa mambo nyingine za mingi. Par notre background, c'est-à-dire par notre charge du passé. Kusema uzito wetu. Elle peut être créée par notre dysfonctionnement dans le cerveau. Inaweza kuwa hata kwa kuwaza mbaya kichwa chetu. Elle peut être créée par tout ce que nous avons entendu dans la vie. Na inaweza kuwa kwa yote ambayo tunaweza kusikia maisha. Parce qu'il y en a qui se forment une fausse illusion du mariage. Inakuwa tu ni udanganifu umoja. Une illusion du ministère. Udanganifu wa huduma. Deuxième définition. Na utafsiri ya pili. C'est une apparence dépourvue de la réalité. Inakuwa tu ni kuonekana kwa. Ok, on avance, il n'y a pas de souci, on va se comprendre. C'est une apparence dépourvue de la réalité. Ah, inakuwa tu ni kuonekana wa kufichamisha kwa ukweli. Donc, je juge les choses en fonction de ce qu'elles apparaissent. Niko nasema si habitu kwa namna vile binaonekana. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Japo kwa ukweli sio hivyo. On te présente quelque chose devant faussement. Bana konesha kitu kimoja kia wongo mbele sako. Alors que la réalité est derrière. Japo ukweli inakuwa kumkongo. Tu te fais une illusion. Unakuwa nafanya udanganyifu. Dans notre pensée on dit, c'est même un mirage. C'est quoi nafanya ile udanganyifu. Je vais essayer de descendre à un moment donné, on va se comprendre. Nitaweza kushuka wakati mwa fulani, utaweza kuelewana vizuri. Troisième définition. Na utafsiri wake wa tatu. C'est une croyance inakuwa ni kuamini ou une conception erronée procédant d'un jugement ou d'un raisonnement faux. Hata kufikiri kule kuna tafsikia na mawazo ya biabongo. Ok, synonyme hallucination ou irréalité. Alors, en français facile. Mukimombo nyepesi. Comme ça, on va avancer maintenant avec mon interprète. Parce qu'il faut toujours donner des choses pour fixer le cadre. Quand on parle d'une illusion, c'est qu'on est persuadé d'un état de choses qui ne correspondent pas à la réalité. Mais on pense que c'est ça. Na tunafikira kusema njo vile. On s'imagine. Tunafikiria vitu. Alors que ce n'est pas ça. Japo aina vile. Et dans la vie. Na katika maisha. Beaucoup d'entre nous. Wengi katikati yetu. Vivons dans les illusions. Beko na ishi mu maudanganifu. Parfois tu n'es même pas malade. Ma sasa ingina wesku hata mgonjwa. Mais tu penses que tu es malade. Lakini unakuwa unafikiria kwamba uko mgonjwa. Et l'ennemi profite de ce moment. Na adui anabeba ile wakati. Pour te faire du mal. Tu as kukufanya mabaya. Il est temps qu'enfants de Dieu nous comprenions certaines choses. Inakuwa wakati watoto wa Mungu tupate kuelewa kwa vitu. Dieu, Mungu n'exauce pas seulement la prière. Asitimizeke paka maombi. Je reprends. Tunarudilia. Dieu, Mungu n'exauce pas seulement la prière. Asitimizake paka maombi. Ici, je suis en train d'enseigner et de parler pour résoudre nos problèmes dans la vie. Hapa tuko na sema na kufundisha juu ya kujibia kumambo maisha yetu. Parce que on nous a appris. Kwa sababu waruweza kutuambia. Malheureusement, c'est ce que nous avons enregistré. Kwa ole sisi turuweza kuyaweka ile katika hiyo. Il suffit de beaucoup prier. Hakuweza tena kuomba zaidi. Pour que les choses changent. Ili vitu vipate kubadilika. Non. Apana. Bien que la prière soit nécessaire. Ingawa maombi na kuwa ya mafa. Souvent j'ai dit que la prière c'est une des grandes clés, mais ce n'est pas la seule clé dans la vie. Mara mingi nasema kama maombi na kuwa ni fungulo, lakini na fungulo tu ya mwisho. La semaine passée, je méditais sur un verset. Wiki iliyopita nilikuwa nafikiri kusomi moja. Quand j'ai compris que Dieu n'exauce pas seulement la prière. Na ni pale niruweza kuelewa kusema Mungu asitimizake paka maombi. Ephésiens chapitre 3 verset 20. On va revenir à notre thème. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Wa Efeso sura yake ya 3 mstari wa 12. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Wa Efeso sura yake ya 3 mstari wa 12 na 2. On nous met ce verset. Vous allez comprendre dans la vie certaines choses essentielles. La Bible dit ceci. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, la prière maombi, et de tout ce que nous pensons. Na yote ambayo tunakuwa tukifikiri. C'est quoi? Les pensées. Mawazo. Quelqu'un peut beaucoup prier mutu anaweza kuomba zaidi avec des fausses ou des mauvaises pensées. Na kukua tena na mafikiri mbaya. Et tel un homme pense. Wakati mtu anafikiri. Tel il est. Na ni vile iko. Tes pensées vont te bloquer. Mafikiri yako itakuzuiza. Alors je vous encourage. Na mitilia kiasi. Avoir de bonnes pensées. Kwa kuwa na mafikiri nzuri. A penser positivement. Kwa kuwaza vizuri. A penser grand. Kwa kuwaza tena kunene. A penser solution. Kwa kuwaza majibu. A penser guérison. Kwa kuwaza matuzo. A penser richesse. Kwa kuwaza utajiri. A penser gloire. Kwa kuwaza utukufu. A penser affaire. Kwa kuwaza biashara. Pas seulement prier. Hapana paka kuomba. Pensons aussi. Quand je prie que Dieu me guérisse. Wakati naomba na Mungu anatimiza. Mais je dois penser à la guérison. Na inafikiri ni wase kumatuzo. Quand je prie que Dieu me rende riche. Wakati naomba Mungu aniweke mtajiri. Je dois penser richesse dans ma tête. Na pasha kufikiri utajiri mukichwa changu. C'est comme ça que les Anglais parlent de our mind, notre pensée. Notre façon de réfléchir. Namna yetu ya kuwaza. Oh bien-aimé. Wapendwa. Vous allez voir. Mutaona. Beaucoup prie. Wengi wanakuwa wanaomba. Mais la réalisation est quasi infiniment nulle. Lakini matimiliko inakuwa machache zaidi. Quand je vois la quantité de gens que nous qui montent à la montagne, que tel que nous montons à la montagne. Wakati tunaona wingi ya watu wanapanda hata vile tunapanda milimani. Quelle est la montagne sur laquelle on n'est pas parti? Ni mulima kani kula tukuweza kwenda? Bengine wenda utafuta milima ku Kolwezi. Les autres iba même à Kolwezi. Bengine wenda utafuta ku Mulungwishi. Les autres à Mulungwishi. Luambo. Luambo. Kambo. Kambov. Bon, Kampumpi n'en parlons même pas. Kampumpi le tu sais mettre. C'est le père. Bengine a sinon akakan kamouma kafou. Bon, il faut qu'on le moulef. Kawama, n'a pas nyumba kumilima. Kawama, même des maisons à la montagne. On monte, on prie. Tu kona panda na tunaomba. Mais si vous parlez avec les personnes. Lakini wakati tunazungumza na watu. Dans la tête, Dania Kichwa, il n'y a rien de ce qu'il prie. Muko amuna kitu kwa ile ekonaomba. La prière, c'est seulement quand tu as kutuanga magoti. Kuomba ni paka vila cha kutuanga magoti. Mungu, baba, baba, baba, baba. Mais dans la tête, lakini ndani ya kichwa, il n'y a rien. Amuna kitu. Conséquence, matokeo mabaya. Nos résultats dans la vie sont très faibles. Matokeo yetu maisha yanakuwa ya kidogo. Grand. Wengine wako nafikiri ukubwa. Font de grandes choses. Wako nafanya vitu vinene. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'illusion ce matin. Gideon, Dieu lui dit, tu es un héros. Va avec la force que tu as. Il dit non. Peut-être que tu me vois. Il parle à Dieu. Et qu'on a semé le monde. Il est sincère. Nani vana kwa tu hakika. Moi Gideon. Mimi Gideoni. Avec quoi? Pamoja na nini? Je vais délivrer. Avec quoi? Pamoja na nini nitafungua. Il dit avec quoi? Anasema pamoja na nini? Voici ma famille la plus pauvre. Tazama jamaa yangu inakuwa maskini zaidi. Amanase. Kumanase. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Nana kwa mmoja wa loko munyumba baba zangu. Bon, j'introduis. Tunafanya kingilio sasa. Je voulais parler de l'illusion de la position sociale. Tunapenda kusema illusion ya namna yetu ya kuishi. Bon, il n'y a pas de souci, mon interprète va s'adapter seulement. Parfois en Swahili nous avons des difficultés. Si je dois vraiment suivre ce qu'il dit, je risque de me perdre moi aussi. Donc l'illusion de la position sociale. Vurugu hata munamna yetu ya kuishi. Ton état actuel. Namna yako ya sasa. C'est une illusion bien-aimé. Inakuwa nayo ni illusion mpendwa. Parce que ce que Dieu te prépare. Kwa sababu ile Mungu anakutayarisha. Ce que Dieu a mis en toi. Ile Mungu aliweza kuweka ndani yako. A beaucoup plus de valeur. Inakuwa na bei zaidi. Que ton état actuel. Kushinda hata hali yako ya sasa. Il y a des personnes. Tuko wetu. Qui regardent leur situation actuelle. Beko na tazama maneno yao ya sasa. Et qui ne savent pas avancer dans la vie. Na bajue kusonga mbele maisha. Il y a des personnes. Kuna watu. Qui regardent leur situation actuelle. Beko na tazama maneno yao ya sasa. Se trompe dans la vie. Na wanajizuiza mu maisha. Frères et sœurs. Nduku na dada. La position sociale n'est qu'une illusion. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens watu wengi vivent dans ces illusions. Beko na ishi katika mvurugo. Que ce soit dans le sens bas ou dans le sens élevé. Ikuwe hata munamna ya chini zaidi hata ya yulu tena. Pauvre ou riche. Ukuwe mutajiri hata maskini. Oh bien-aimé. Mpendwa. Ta richesse. Utajiri wako. C'est aussi une illusion. Inakuwa nao ni illusion. Ta pauvreté. Umaskini wako. Est une illusion. Inakuwa illusion. Ta position sociale. Ah, fasi yako ya kuishi. C'est une illusion. Inakuwa illusion. Ton état actuel. Hali yako ya sasa. Peut te tromper. Inaweza kudanganya. Parce que Dieu a mis en toi. Kwa sababu Mungu aliweka ndani yako. Capacité. Uwezo. Au-delà. Imbele ya tayote. Ce que tu penses. Kwa yote unakuwa ukifikiri. Au-delà. Zaidi. Ce que tu imagines. Ya yote unakuwa ukiwaza. Alléluia. Amina. Je voulais te révolter dans la vie. Na kuya kukutombosha sasa maisha. À réfléchir différemment. Kwa kuwaza mnamna ingine. À penser différemment. Kwa kufikiri mnamna ingine. Ta position. Fasi yako. Je vais parler de l'illusion de la position sociale. Tunapenda kusemeza illusion hata ya fasi ya kuishi. Il y a aussi l'illusion de combat dans la vie. Kuna kwetu na illusion ya bukonfi maisha. Nous en parlerons la semaine. Tutaizungumzia mwiki. Il y a gens qui se trompent d'adversaire. Kuko watu weko na danganyika hata na wale wako kumaanisha. L'illusion de la position sociale. Hizo ta fasi ya kuishi. Je prends un exemple. Na beba mfano. Genèse chapitre 32. Mwanzo sura ya 32. Verset 3 à 7, mais je vais parler jusqu'au verset 23. Et nous allons prier. Ne vis pas dans les illusions, mon bien-aimé. Ne vis pas dans les illusions. Il y a une réalité merveilleuse qui t'attend. Kuna kwa ukweli wa mastajabu na kuchunga. Dieu va te faire du bien. Mungu atakutendea mema. Dis à ton voisin. Sema na jirani wako. Ne vis pas dans les illusions. Usiishi mdanganyifu. La vraie réalité vient de Dieu. Ukweli wa kweli unatoka kwa Mungu. Il y a de grandes choses que Dieu va te donner. Kuko bintu bile Mungu bya binena atakupa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Genèse chapitre 32. Mwanzo 32. À partir du verset 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü. Yakob akatuma mbele zake wapelelezi kwa Isaya. Son frère au pays de Seir dans le territoire des Dom. Nduku yake ku incha Seir. Il leur donna cet ordre. Akawakabria mitindo hii. Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Sikieni kile mtasema kwa bwana wangu Isaya. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Ivi anasema mfanyakazi wako Yakobo. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Niweza kuseku kwa yabana na bakia paka hivi. Regardez ce qu'il dit au verset 5. Tazama sasa kile kinakuwa mstari wa 5. J'ai des bœufs. Na kuwa hata na wangombe. Des ânes. Na kuwa hata na wanapunda. Des brebis. Na kuwa na wakondo. Des serviteurs et des servantes. Hata na wafanyakazi na wanawake na wanaume. Je vais l'annoncer à mon seigneur. Na wende utangaze kwa bwana wangu. Pour trouver grâce à ses yeux. Je kupata ta neema kumbele yake. L'illusion de la richesse. Hata mvugo wa utajiri. Convaincu. Mwenye kuwa na uhakikisho. Que parce que j'ai l'argent. Kwa sababu niko na fedha. Parce que j'ai des moyens matériels. Kwa sababu niko na manamna ya kupapasa. Parce que je suis riche. Kwa sababu niko mtajiri zaidi. Je peux tout dans la vie. Naweza yote mu maisha. Oh bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu. Wapendo tunakuwa watoto wa Mungu. Il dit, allez dire à Esaü. Anasema nendeni mukamwambia Isaya. J'ai des brebis. Niko na wangombe. J'ai des bœufs. Niko na wangombe. J'ai des ânes. Niko na wana punda. J'ai des serviteurs. Nako na wafanyakazi. J'ai des servants. Niko na wafanyakazi wanawake. C'est pas pour rien qu'il cite ces choses. Aina mubaya pate kutaja maneno yote hii. C'est comme quelqu'un qui t'envoie, non, va lui dire. Niko amesema mtu anakuambia sio kwa unyambie. J'ai des Mercedes. Niko na Mercedes. Magasin. Niko na duka. J'ai des habits. J'ai des bijoux en or. Niko hata na matimbi ya zahabu. Convaincu. Mwenye kuwa na uhakikisho. Que les moyens matériels. Ya kusema matajiri yake ya kupapasa. Pour résoudre les problèmes de sa vie. Inaweza kujibia kwa matatizo ya maisha yake. L'illusion de la richesse. Udanganifu. La richesse nous fait vivre dans l'illusion. Utajiri huko na tufanye tunaishi katika udanganyifu. Et nous empêche parfois de voir correctement la vraie réalité que Dieu nous donne. Na inatuzuiza mara mingi kuona ukweli wa Mungu. Nous empêche de compter sur les capacités de Dieu. Unakoma unafadhali muhesabie kwa mawezaji ya Mungu. Je. Niko. Nakuya. Je avoir. Niko nayo. Je. Niko nayo. Niko nayo. Il dit, allez dire à Esaü. Anasema mwende mwambie Isaya. Et le message d'Esaü était simple. Na ujumbe wa Isaya ulikuwa mnyepesi. Rentrez lui dire. Urudie mkamwambie. Je viens avec des armes. Na kuya hata na masila. Le verset suivant. Na mustari fatayo. Esaü dit. Isaya anamwambia. Le messager revient auprès de Jacob. Wapelelezi wa loko yako. Nous sommes allés vers ton frère. Warienda mbele anduku yako. Il marche à ta rencontre. Wanatembea kumwenendo wako. Avec 400 hommes. Pamoja na 400 hommes. Donc tes brebis rien. Hata wale wapunda na Mungu asitachote. Wafanya kazi wahitajie. Il veut ta tête. Anahitajia kichwa chako. Ah bon? Sivyo. Donc nos matériels. Ni kusema bitu bietu ya kupapasa. Souvent c'est une illusion. Mara mingi inakuwa ni udanganifu. Enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Si tu continues à t'attacher au matériel. Kama unaumainia kujambatanisha tu kubitu ya kupapasa. Tu vis dans l'illusion. Uko naishi mudanganifu. Il y en a qui se sentent hommes. Kuko wale wanaonekana watu. Wakati wanakuwa na fedha. Ils ont les biens. Wakati wanakuwa na vitu. Et à l'époque. Na wakati ya zamani. Kama wakula bukari na nkuku. Que bien. Si tu manges le fufu et la poule. Là tu te sens à l'aise. Zamani. Apa sasa. Bon. Bato tabajita na valeur ya nkuku. l'illusion de ce que nous avons. Ya ile tunakuwa nayo. Qui influence même le comportement. Iko naonesha hata namna yetu ya kuishi. Convaincu. Mwenye kuwa na uhakikisho. Que les avoir. Ya kusema kujua kwa. Les avoir. Bintu bile konabyo. Résolve tout dans la vie. Iko najibia kumambo yote mu maisha. Oh bien-aimé. Wapendwa. Il y en a même qui bâtissent des théologies, des philosophies, des comportements. Il y a des relations seulement avec les gens qui ont les moyens. Il y en a aussi qui se sentent faibles. Gédéon. Famille la plus pauvre. Anasema jamai ya maskini zaidi. La plus petite. Il donne même la position. Analeta hata nafasi yake mdogo zaidi. Tu n'es pas pauvre. Auna maskini. Tu n'es pas petit. Auna mdogo. En toi. Ndani yako. Il y a des trésors. Muko mazahabu. Que l'Éternel a préparé. Ile Mungu aliweza kutarisha. Ne vis pas dans l'illusion. Usiishi mudanganifu. De ta position sociale. Ya fasi yako ya namna yako kuishi. Ne vis pas dans l'illusion. Usiishi mudanganifu. De ta richesse. Ya utajiri wako. De ta pauvreté. Hata ya umaskini wako. Oh bien-aimé. Apana mpendwa. Nous avons un Dieu vivant. Tuko na Mungu. Dieu existe. Mungu eko naishi. Il y a des choses. Que l'argent ne va pas résoudre. Kule fesa istajibia. Il y a aussi des choses. Na kuna kwa vitu. Que la pauvreté ne va pas résoudre. Ile umaskini istajibia. Tout le monde n'aura pas pitié de toi. Vile una buluma nawe. Parce que tu es pauvre. Kwa sababu uko maskini. Et tout le monde ne te donnera pas tout. Na basi takupa vyote. Parce que tu es riche. Kwa sababu uko mtajiri. Alléluia. Amina. Convaincu. Mwenye kuwa na uhakikisho. Que le matériel. Ya kusema bitu ya kupapasa. C'est la solution dans la vie. Inakuwa ni jibu maisha. Il va même plus loin. Anaenda mbali zaidi. Jacob fut effrayé. Yakobo anasikia boka. Et angoissé. Na anaanza tena kutetemeka. Il comprend que les choses deviennent sérieuses. Anaelewa kusema bitu binakuwa sasa vya nguvu. Mais comme c'est un monsieur qui vit dans les illusions. Sasa ni hivi vitu vinakuwa tu vikikuya tu mdanganifu. Gens comme ça sur la terre. Nous sommes tous tuko, comme ça. Tuko vile. Souvent dans les illusions. Mara mingi tu mudanganifu. J'ai un beau mariage. Je pense que c'est la solution de la vie. Ukona fikira kusema ni jibu ya maisha. C'est des moyens. Ni manamna. Je pense que c'est la solution. Unafikira kusema ni jibu. Je ne sais pas si j'aurai le temps, même dans le ministère. Non, je prie beaucoup. Moi, je connais des gens qui disent, mais non, baka sana. Il y a des gens qui prient beaucoup, même dans le ministère. Mais les résultats. Lakini matokeo. Un jour, je croise quelques bien-aimés. Serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Oui, pasteur, nous avons un problème. Asema pasteur, tunakuwa na tatizo. On prie beaucoup. Tuko na omba sana. On prophétise vrai. Tuko na tabiri ya kweli. Mais si benyo kuma nyumba yetu ni mateso ya yoyoyo. Mais nous-mêmes là dans nos maisons, c'est la souffrance. On ne comprend pas. Aba weza takutuelewa. On est venu te voir. Sasa turikuja kukuona. Pour te donner notre dîme. J'ai dit quoi? Juu ya kukaburia chekumi yetu. Vous pensez que c'est ça la solution? Mnafikiri ya kusema ile inakuwa ni jibu? Verset 13. Mstari wa 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Ni pana fasi pale Jacob a répété ça usiku. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü. Akachukua kile alikuwa nacho mkononi mwake na kufanya tena mbele ya Isaya. Non, présent. Zawadi mbele ya Isaya. Voilà. Deuxièmement, kitu kya pili, l'illusion des cadeaux. Udanganifu ata ya mazawadi. De présent. Ya mazawadi. De ce qu'on offre aux gens. Kwa ile tunakuwa tukiwapa watu. Jacob était convaincu. Yakobo alikuwa na uhakikisho. Que kama mimi namukata Esaü milomo. Ceci c'est moi, j'ai donné quelque chose à Esaü. Mita résoudre mambo yangu. Je vais résoudre mon problème. Bien-aimé. Wapendwa. Même à l'école. Ata kumasomo. Il y en a qui sont convaincus. Kuko wale wanakuwa na uhakikisho. Ataweza kama nakata milomo. Il va réussir c'est moi, il donne quelque chose. Le pire c'est que ça commence même à l'école primaire. Sa mambo inakuwa ni kule kushule ya kidogo. Mtoto ku primaire anaanza kukata milomo. Kushule ya msingi kula kuna namna kuweza kupeleka kitu. Dose inapanda ku secondaire. La dose augmente à l'école secondaire. Dose inaugmente tena ku examen d'état parce que je vais prier pour ceux qui vont faire l'examen d'état demain. Kata milomo. Kipimo tena kinapanda zaidi ni ku mashindano ya examen d'état. Et les inspecteurs et les soucis, c'est un mélange compliqué. Les surveillants, tout ça. À l'université, la dose commence. Sasa kushule ajoute na njoo inaongezeka kupita. Parfois, il faut avoir un diplôme, tu es fier. Même si tu rentres à l'université, on dit, ah, lui là, non. Après, on a un diplôme, on dit, ah, lui passé partout. Sama wewe uranza kupita fasi yote juu kupata diplôme yako. Non. Apana. Et dans la vie, na maisha, la même chose. Namna moja moja. Écoutez ce que Jacob vit. Ce qui a kile Jacob en asem. Il dit, je vais faire des présents à Esaü. C'est ni taleta zawadi kwa Isaya. 200 chèvres. Tapeleka 200. 20 boucs. 200 brebis. 20 bélis. Attends, milomo inéo. 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient. 40 vaches, 10 taureaux, 20 à 1. Vous voyez un peu la richesse que Jacob avait et les intentions. Bon, attends, mais il y a un peu de 40 vaches, Bangombe, les gens qui aiment les steaks, Baningi à tout mon pang. Ma jeep, Baningi à mon pang. Et les jupes entrent dans la parcelle. Tout ça, ça entre dans la parcelle. La farine entre dans la parcelle. Le riz entre dans la parcelle. C'est tout ça, il n'a qu'à tenir mazawadi. Parce qu'il sait que le présent corrompt le cœur de l'homme. Mazawadi, qu'on a vu tatan moyo wa mtu. Il est remis à ses serviteurs. Karudia kuwatumishwa. Troupeau par troupeau. Kikosi wa kikosi. Verset 20. Tamstari wa kiwaishini. Pour comprendre l'intention de ce monsieur. Vous direz. Mutamwambia. Voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Tazama mtumishwa kwa Yakobo anakuja tena nyuma yetu. Il fait précéder les présents. Aliweza kutangulisha tama zawadi yake. Car il se disait. Kwa sababu alianza kujisemezea. Je la pèserai par ce présent. Nitamutuliza kupitia hii zawadi. Ensuite. Kisha. Je le verrai en face. Nitamuona uso kwa uso. Bien aimé, beaucoup de gens vivent dans les illusions. Wapendwa watu wengi wako naishi katika udanganyifu par de présent kupitia mazawadi. Les gens de ce monde ont déjà compris des principes comme ça. Watu wa ulimwengu washakuelewa hivi vitu. Avant de voir son chef, avant de voir quelqu'un, d'abord des présents, des cadeaux. Kabla ya kuona mkubwa wake, ya kwanza analeta kwanza makado. Comment dire, soit tamutulizia. C'est ni tamutulizanisha. Tamutulizajisha. Je la pèserai. Nitamtulizanisha. Il envoie. Mais Esaü dit, tout ça c'est rien. Isaïe anasema yote yeye. Rentrez avec vos histoires. Rudieni na vitu vyenu. Dites-lui. Mumwambie. Je viens. Niko nakuya. Avec 400 hommes armés. Pamoja na 400 hommes wote wenye kwa na masila. Jacob dit. Yakobo anasema. Ma richesse ne l'a pas effrayé. Utajiri wangu haukumsikilisha boka. Mes présents n'ont pas effrayé. Hata mazawadi yangu haikumsikilisha boka. Alors que j'applique la ruse. La ruse. Njanja. C'est aussi une illusion. Inakuwa nayo ni udanganyifu. Des stratagèmes. Hata manamna ya kuweza kufanya vitu. Non, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Nitafanya iki na iki. Oh bien-aimé. Apana wapendwa. L'ange est clair devant Gédéon. Malaika ko wazi mbele ya Gideoni. Va et délivre. Wende ufungue. Va avec cette force que tu as. Kwenda na nguvu ambayo unakuwa nayo. J'ai mis en toi un trésor. Niliweka ndani yako sahabu. Mais Gédéon avait l'illusion. Lakini Gideoni alikuwa tu. Pour lui. Kwake yeye. Le sauveur d'Israël. Mukombozi wa Israeli. Devait être très riche. Alipasha kuwa mutajiri zaidi. Issu d'une grande famille. Anatokea mujamaa kubwa. Cette famille d'une grande tribu. Hata ile jamaa ile ya kabila mwa kubwa. Et lui-même dans la tribu devait occuper une bonne position. Na anapasha kuwa ta nafasi mwa mzuri na cheo kubwa. Tu penses peut-être. Ukunafikiri sasa ingine. Pour réussir dans la vie. Kuweza katika maisha. Il faut une position sociale donnée. Inafazali ukue kwa ta nafasi moya hivi katika maisha. Hapana mpendwa. J'aime Marie. Napenda Maria. Quand elle parle à Elisabeth. Wakati yako nasema na Elisabeth. Il s'est souvenu. Anasema aliweza kukumbuka. De la bassesse de sa servante. Ya ule utini udhaifu wa mtumishi wake. Naomba Bwana ya asubuhi. Se souvienne de ta bassesse. Apate ukumbuka ta udhaifu wako. Ta position sociale. Na ushangaria tafasi yako ya kuishi. Akunyanyue. Te fasse asseoir. Na kuweke ukae. Avec les grands. Pamoja na watu wakubwa. Dans ce pays. Ndani ya hii nchi. Au nom de Jésus-Christ. Mushina la Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Il y en a qui pensent. Kuna wale wanafikiri. Kwa sababu tulikuwa mulikasi. Tunakuwa kumukini. Non, il a bien traduit. Quand j'étais à l'université à Kinshasa, je devais rentrer continuer mes études au Katanga. Wakati nilikuwa Kinshasa kurudia kuendelesha majifunzo yangu Katanga. Ma sœur m'a dit. Dada yangu aliniambia. Désiré. Lubumbashi wanaza intérieur. Sekule kulubumbashi kunakuwa ni kumukini. On nous appelle les bateaux à l'intérieur. Ranza kubaita batu ya kumukini. Je crois que même maintenant, je crois qu'on nous appelle toujours bateaux à l'intérieur. Nani vile weko na tuita tu batu ya kumukini. Mais après, on s'est rendu compte. Japo kisha ya yote waweza kufikiri. Il m'a dit non, tu avais raison. Ya kusema urukua na sheria. Il m'a dit que non, ceux qui sont ici, baka nisakaka mikili. Baninga na yo baka nisakaka mikili. Asebo haba, batanza paka, kwenda paka mbali. Mais toi, tu es là. Lakini wewe uko hapa. Ili upate kutazama Europe. Tu regardes l'intérieur. Uko naangalia hata kumukini. Comprendre si tu rentres là. Ni kusema tu kama unarudia kule. La distance par rapport à l'Europe s'agrandit. Hata urefu ya kwenda kule kubulaya kule itakuwa mrefu. Et on a cette conception là. Na kwa ile ufikiri ile. Que kin c'est tout près de l'Europe. Ya kusema Kinshasa inakuwa tu karibu na Ulaya. Est-ce que c'est vrai? Eti inakuwa ya bia kweli. C'est quoi? Udanganif. C'est une illusion. Inakuwa ni udanganif. Et on a l'impression que si on monte dans l'avion, on est tout près du ciel. Na wengine wanafikiria kusema kama tunapanda mundeke tunakuwa karibu na mbingu. Je sais pas si le ciel se trouve en haut en tout cas. Mais si jue kama mbingu inajikuta yulu. Parfois le ciel se trouve en bas. Mara mingi mbingu inajikuta chini. Parfois. Ceux qui sont en Afrique du Sud, au pôle sud, leur ciel est là. Wale wanakuwa kwa Afrika kusini wako naona chini. Ceux qui sont ici sur le globe terrestre, leur ciel est ici. Donc le ciel ça ne dépend pas de ta position. Hata mbingu itaelekea tu nafasi unajikuta. Notre position sociale nous trompe souvent. Fasi yetu ya kuishi. Quel est le remède? C'est ce que Dieu a fait. Et avec Jacob. Et avec Gédéon. Rien de tout ce que Jacob a fait n'a convaincu Esaü. Rien de ce que Gédéon avait n'a convaincu Dieu. Il y a une stratégie. Que ni Jacob, ni Esaü, ne connaissaient. Pour résoudre le problème, il y a une stratégie. Que toi aussi, pia, tu ne connais pas. Auchue, pour résoudre le problème dans ta vie, mambo il y a une stratégie. Kuna kuwa namna que mocha, tes ennemis adui wako, ne connaissent pas. Abachua pour pana, résoudre ton problème, juya kuchibu mambo il y a yako, une stratégie. Kuna kuwa namna aujourd'hui, tu vas te faire sortir. Inapasha utoke, des illusions. Frères et sœurs. Arrête de vivre dans les illusions. Apana kuishi tu mwile umfuru. Arrête de vivre dans les rêves. Apana kuishi tu mumandoto. Dans l'irréalité. Mubitu bile basipokuwa vya ukweli. Il y a même des gens. Kuna watu. Il y a un mariage d'illusion. Eko na luta tu ndoa moya tu ifya. Il y a une illusion de mariage. Kuna kwa tu ona moya mariage. Il y a une illusion du travail. Kuna kwa illusion ta kazi. Il dit que comment tu n'as pas ta diplôme. Il dit, c'est moi, si j'obtiens mon diplôme, je deviens ingénieur, je deviens riche. Tu es sûr qu'avec ton diplôme d'ingénieur, tu as wina. Tu es sûr que ton diplôme de médecin, tu as wina. Tu es sûr que ton diplôme d'avocat, tu as wina. C'est des illusions. Ni illusion. Et Dieu t'a dit, arrête de vivre dans les illusions. Amen. Il y a trois jours, jeûne et prière. Si c'est moi, je fais jeûne les trois jours. Je connais quelqu'un. Mina chua mutu. Anazeka. Il a vieilli. Donc pour le moment, je crois que tu en as 58, 59, je pense. Mais ma retraite, pour qui suis-je? Inapita. Toi, mon amour, c'est ma hacha, ça, ça, quand on a pour qui suis-je? Vous connaissez qui suis-je? Non, mais c'est ma hacha, quoi, change là. Badirika. Bien-aimé, on se fait même l'illusion de la prière. On se fait l'illusion de servir Dieu. Oh, je prie. Naomba. Nous voulons démarrer un mois extraordinaire, le mois d'août. Tunapenda kutangaza mwezi wa mastajabu mwezi wa mnane. Ne vivons pas dans les illusions. Ne vivons pas dans les illusions. Tusiishi katika maudanganifu. Ma vie. Maisha yangu. Je dois, ce n'est pas ce que je vois. Taweza kuona kile niko naona. Vous savez, il y a un verset, je ne sais plus si je vais retrouver, c'est dans Jérémie 1 ou 4, je ne sais plus. Dieu pose la question, que vois-tu? Mungu anauliza swali, nini unaona? Il dit, je vois une branche d'amande. Asemi naona tu aupe ya man. D'amande. D'amande. Je vois une branche, il y a amande. Naona muti, il y a amande. Oui, parce que c'est d'amande, il y a amande. Amande. Dieu lui dit, tu as bien vu. Mungu anasema uriona vizuri. Donc on peut mal voir. Et souvent dans la vie, na mara nyingi maisha, nous voyons mal les choses. Atuonake vitu. Et nos choix, na mauchaguzi yetu. Oui, c'est dans Jérémie 1:11, merci. Que vois-tu? Nini unaona? Qu'est-ce que tu perçois? Nini ambao unakuwa ukiona? Quelle est la perception de la vie? Ni kuona kani kwa maisha? Quelle est la perception de ton travail, de ton ministère? Ni kuona kani kwa huduma yako, kazi yako, atakandoa yako? Oh, nous voulons prier. Tutaomba. Je refuse de vivre dans les illusions. Nakatala kuishi katika mdanganyifu. Non, bien aimé, je refuse de vivre dans les illusions. Nakatala kuishi mdanganifu. Ta position sociale. Ata fasi yako. Ne doit pas être une illusion. Aiwezi kuwa udanganifu. Parce que j'ai. Kwa sababu nakuwa nayo. J'ai l'argent. Niko na fedha. J'ai bien. Niko na vitu. Je peux tout. Minaweza yote. Est-ce que vraiment tu peux tout? Wakika unaweza yote. Parce que je n'ai pas. Kwa sababu sina. On aura pitié de moi. Batakuwa na huruma kwa ajili yangu. On n'a pas pitié. Atuna na huruma. La pitié n'existe pas, frère. Huruma haikala keko hapana nduku. Ne cherche pas que les gens aient pitié de toi. Usitafute watu wa kusikiria huruma. Cherche que Dieu. Tafuta Mungu. Écoute, exauce ta prière. Asikie na timize maombi yako. Alléluia. Amina. Parce que si Dieu ne touche pas le cœur de celui-là. Kama Mungu asiguse moyo ya huyo. Même si tu marches comme ça. Hata kama unatembea na mkono kwa machafu. Oh bien-aimé. Wapendwa. Quel est le remède? L'ange dit à Gideon. Malaika anasema na Gideon. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Pour ne pas vivre dans les illusions. Ili tusiishi katika tudanganifu. Il faut une rencontre avec Dieu. Inafadhali kukutana na Mungu. Une vraie. Ukweli. Je ne parle pas de la prière quand on dit non, je donne ma vie au Seigneur, oui. A tous ces maombi hapana. C'est important, nous allons y revenir. Mais après, il faut une vraie rencontre. La pale inafadhali upatanishwa bya kweli. Nous sommes dans les églises. Tuko ndani ya kanisa. Est-ce que nous avons réellement rencontré Dieu? Tatusha kutanaka na Mungu kwa bya kweli. Qui devient la raison. Il est dans le cabriolet ta chérie de notre vie. Il y a maïsha yet. Pas la priorité. Apana tu kwa kwanza. Parce que les priorités changent. Kwa sababu mafasi ya kwanza yanabadilika. En fonction des saisons. Vous êtes d'accord avec moi? Mukivukutu. Priorité na tena coach. Priorité na kwa singlé. Ce n'est pas ça. Mubariti priorité na kwa nini? Coach. Coach. Donc les priorités ont changé. Priorité wakati ya minji na chana priorité wakati ya bingo. Amen. Les priorités dans la vie changent, vouloir ou pas. Tu occupes certaines positions. Ukona shika mafasi maflani. Elle existe certaines priorités. Na iko na lomba ata mafasi moyo ya kwanza. Mais la raison de vie. Lakini sheria ya kuishi. Haibadilikaki. Amina. Alléluia. Amina. Que tu sois à Kinshasa. Iko Kinshasa. Iko Kulumbashi. En Europe. Iko Kubulaya. Australie. Iko Australia. Iko Kushina. Jésus reste la raison de vie. Yesu anabakia paka sheria ya maisha. Alléluia. Amina. Donc mon Jésus. Yesu wangu. Ne dépend pas que je sois à Kinshasa. Achelekea kwa niko Kinshasa. Iko Kulumbashi. Que je sois dans une fête de ministres. Ou dans une fête, il y a ma mioko et ta kuchoma. Non, non, pas de problème. Dans toutes les conditions, circonstances, il est le même. Eko moja moja. Il ne change pas. Asibadirike. Jacob. Jacob. Ne savait pas. Asikujue. Qu'il était dans une vie d'illusion. Alikuwa mumaisha moya. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils vivent dans les illusions. Jusqu'à ce qu'ils restent seuls. Ils restent seuls. Et cette nuit-là, quelqu'un vient. Ce n'est pas Esaü. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Il est resté seul. Aribakia peke yake. La nuit. Usiku. Oh, j'aime ça. Napenda hii. La vraie réalité. Ukweli wa kweli. Souvent. Mara mingi. On la voit quand on est seul. Tunaionaka wakati tunakuwa peke yetu. Alléluia. Amina. La vraie réalité. Uhakika wa kweli. On la voit quand on est seul. Tunaionaka wakati tuko peke yetu. Quand il y a personne. Wakati hakuna hata mtu. Nuit dans ta maison. Usiku nyumba yako. Wakati hakuna mtu. Je kukusaidia. Wakati hakuna mtu. Je kukusaidia. Non seulement personne. Hapana tu baka mtu. La nuit. Lakini usiku. La nuit. usiku. Mwa wakati ya nguvu. Yote inakuwa giza. La nuit. Usiku. C'est là. Ni pale. Que Dieu vient. Mungu anakuchaka. Pour te donner la vraie réalité. Anakuwa ukabria uhakika wa vya kweli. Ce n'est ni l'or. Aina ni zabu. Ce n'est ni l'argent. Aina ni fedha. Ce n'est ni la pauvreté. Aina umaskini. Ce n'est ni le présent. Aina tabia kuonekana. C'est moi l'Éternel. Lakini ni wewe milele. Résoudre ton problème. Nitachibia kumambo yako. La vraie réalité. Uhakika wa vya kweli. Là, ce ne sont plus les illusions. Aina tu kuishi patiki. On pose la question à Jacob. Bana muuliza Yakobo. Quel est ton nom? Jina yako ni nani? Il n'a pas dit non, je m'appelle Esaü. Ashikusema mimi njuna ngu ni Esaü. Non, non. Jacob. Asema niko Jacob. Jacob. Niko Jacob. Il y a des moments dans la vie. Kuna mawakati maisha. Tu ne vas plus te tromper. Auwezi kudanganika. Et tu ne vas plus tromper. Come on, mon interprète. Amen. Il y a des moments comme ça dans la vie. Kuna mawakati maisha. Tu restes seul. Uko peke yako. Et Dieu lui dit. Na Mungu anasema. Maintenant là. Apa sasa. Tu seras appelé Israël. Utaitwa Israeli. Ah, j'aime le Seigneur. Na mpenda Bwana. J'aime le Seigneur. Na mpenda Bwana. Dieu n'est pas revenu sur le nom d'Esaü. Mungu asikumite kunjina Isaya. Que Jacob avait utilisé pour tromper. Ile Yakob aliweza kutumia juu kudanganya. Dieu ne va pas revenir sur ton passé. Parce qu'il y a eu des erreurs. Non. Apana. Dieu avance. Je dis à quelqu'un ce matin. Dieu avance. Tu t'es trompé hier, mais aujourd'hui, Dieu avance. Amen. Avance avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Il a dit, tu seras appelé Israël. Avance avec le Seigneur. Le Seigneur regarde en avant. Il veut avancer avec toi. Anapenda kwenda pamoja nawe. Il y a des gens aussi. Kuna watu via. Les charges du passé. Miziko ya wakati yao iliyopita. Deviennent un poids que tu ne sais pas transporter. Inakuwa ni muziko ile staweza kuibeba. Il n'y a personne sur la terre. Hakuna ta mtu mmoja anajua capable de transporter son passé. Ya kuweza kubeba ile iliyopita yake. Que ça soit un bon passé. Ikuwe hata passé ya mzuri. Mauvais passé. Ikuwe hata ya mubaya. Il faut toujours. Inafadhali kila mara. Rencontrer le Seigneur. Kukutana na Bwana. Pour que lui prenne ton fardeau. Il y a pas de kubeba mziko yetu. Bien-aimé, la gloire est un fardeau. Parce que utukufu inakuwa ni mziko. Alléluia. Amina. Le mot kabod. Il est en China kabod. Signifie gloire. Inasema utukufu. Signifie poids. Inasema poids. Uzito. Ok. Donc, dans la vie. Mumaisha. Ne vous en faites pas. La gloire utukufu vient avec un poids. Iko na kuya na uzito. Peut-être même plus lourd que le poids de la pauvreté. Mara mingi ya uzito zaidi kushindia hata uzito wa maskini. C'est comme ça que quand les gens sont dans la gloire, il faut les soutenir. Ndio vile wakati mtu anakuwa katika utukufu inafadhali kumtilia nguvu. Alléluia. Amina. Parce que la gloire vient avec un poids. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Wapendo aina kepesi. Je suivais le témoignage de quelqu'un. Nilifuata ushuhuda ya mtu. C'était une athlète. Anakuwa ni mtu akubula kinga. Athlète. Wakubula kinga wakukimbia. Oui, c'était une athlète. Trois fois championne du monde. Mara tatu anatokea mshujaa wa Après elle a arrêté. Na kisha ruweza kuacha. Elle a dit que je ne pouvais pas supporter le poids de la gloire. Anasema sikuweza tena kushika ile uzito wa utukufu. Parce que je ne pouvais plus vivre une vie normale. Kwa sababu sikuweza tena kuishi maisha kawaida. Quand elle sort. Wakati anaanza kutoka. Les journalistes sont là. Hata wajulati wanaanza kumfuata. Les caméras sont là. Ba kamera wafuntamu wote walikuwa pale. Hapana mpendwa. Bon, tunaomba tu Mungu atubariki. Nous prions que Dieu nous bénisse. Si tu n'es pas préparé à supporter la gloire. Lakini kama utarishwe tu kuweza kushika ile utukufu. Tu vas crever. Parfois quand Dieu ralentit. Wakati mwe uko naweka tu. Bénissons seulement le Seigneur. Ubariki tu Bwana. Alléluia. Amina. Unatoka. Tu sors. Bana pika ngoma. On va jouer tam tam. Comment on s'appelle avant de voter boule? Jouer en ngoma. Juste pour le tam tam. Jouer avec fanfare. Juste pour les fanfaristes. Bien-aimé, la gloire c'est un poids. Wapendwa utukufu nayo inakuwa ni uzito. Ça vient avec un poids. Kuna kuya na uzito. Et on commence à vivre dans les illusions. Anaanza kuishi tu. Il faut rencontrer le Seigneur. Même dans le ministère, parfois on devient à cause de la gloire. Amen. Oh bien-aimé, cette semaine, nous voulons prier. Aujourd'hui, je vais parler de l'illusion de la position sociale. Il dépendait tout que beba udanganifu wa face ya maisha. Il y en a aussi qui sont dans les illusions des combats. Kuna wale wanakuwa mudanganifu na wabukomvi. Oui, Dieu adversaire. Celui-ci c'est mon adversaire. Mais yeye kuna pikana na huyu. Mais lui il veut combattre quelqu'un d'autre. Tu vas faire des années des années. Utafanya miaka na mamiaka. C'est le diable. Ni shetani. Toi tu vois la grand-mère. Oui, unaenda fasini. Tu vois la tante. On s'engage. Pourquoi les sorciers ont pris toujours de la tante, la grand-mère? Je ne sais pas. Si tu as pas. Y'a mon Dieu à ma tata. Non, bien aimé, parfois on vit dans les illusions comme ça. Maramingi tuko naishi maudanganifu hivi. Non, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Le temps est arrivé. Ne vivons plus dans les illusions. Nous ne vivons plus dans les illusions. Jacob a rencontré Dieu. Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Dieu n'a même pas dit que ton nom ne sera plus Esaü. Il y a beaucoup de gens, même dans la prière, qui viennent devant Dieu avec des fardeaux du passé. Écoutez, Dieu n'a même pas dit que ton nom ne sera plus Esaü. Dieu, il a, à l'instant où il était, Jacob, ce qu'il a dit. Israël. On a quoi, Israël? Dieu veut avancer avec toi. Mungu anapenda kwenda na wewe. Dieu veut avancer avec ta famille. Mungu anapenda kwenda na chama. Dieu veut avancer avec ta vie. Mungu anapenda kwenda maisha yako. Oh bien-aimé. Wapendwa. Ne vis plus par rapport à ce que tu perçois. Usiishi kwa ile uko naona. Vient de ce qu'on perçoit des yeux. Udanganifu iko nakuwa kwa ile tuko naona na macho. L'illusion vient. Udanganifu nakuya. De ce qu'on a emmagasiné comme faux raisonnement dans nos pensées. Kwa ile tuweza kushika kama mafikiri mbaya mkichwa. Il faut rencontrer le vrai Jehovah. Inafadhali kutana na Jehovah wa kweli. Il faut rencontrer la vérité. Inafadhali kutana na ukweli. Il faut rencontrer celui qui va te dire les choses telles qu'elles sont. Inafadhali kutana na ule atakwambia vitu vile biko. Léo, aujourd'hui, que Dieu enlève la voile sur ta vie. Alléluia. Amen. Qu'il enlève la voile sur ta vie. J'ai visité un truc quelque part. Il doit s'accouper quoi qui m'a fait moi ici. Avant de visiter moi Uyangari. Kabla ya kuweza kuona sasa utazame kwanza. Unayangaria. Tu regardes iko carré. Tu regardes que c'est carré. Carré. Mais na mesurer. Mina pima bipimo. Caractéristique à carré, c'est que les quatre côtés sont égaux. Mina ona bipande makona yote ine ya kueneana. Jo caractéristique à carré. Et puis on dit non non, wendo kayangaririe kule ngambo. Asema va regarder même de l'autre côté. Mina enda kule ngambo. Mina ngaria inakuwa rectangle. J'ai changé, j'ai vu que ça devient rectangle. Mina mesurer. J'ai essayé à kubipima. Ni rectangle. Donc deux côtés égaux 2 à 2. Je rentre à la place où j'étais avant. Non, je crois que. Non. Ce miroir. C'est ma ikikio. Fait que ceux qui regardent de ce côté. Oule konangaria kuingambo yako. Voient différemment de ceux qui regardent ici. Eko namna namna kwa chanisha na uye konangaria mbo. Je me suis touché sur la tête. Maisha. La vie. Ni namna vile tangaria mwile angle. C'est la manière dont tu vas regarder ou à l'angle que tu vas regarder. Ça reste carré. Mais pourquoi tu vois ça comme rectangle? Il y a quoi ni qui cercle? Mais toi tu vois un arbre. Oh, je me rappelle de cet homme. Nakumbuka umutu. Jésus dit, qu'est-ce que tu vois? Yesu anamwambia nini unaona? Je vois les hommes comme les arbres. Jésus dit, c'est va te laver. Il s'est lavé. Maintenant, je vois bien. C'est ma famille, on a visuré. Aujourd'hui, Léoï, Dieu va t'aider. Que tu vas voir la réalité de ta vie. Gauche, mon rêve. Que Dieu t'enlève des illusions. Parce que tu vas te tromper dans la prise de décision. Donc, je vais décider sur un rectangle. Alors que c'est un carré. Je vais décider sur un serviteur. Alors que c'est un serviteur. Je vais décider par Bibi Wakowa. Elle n'est même pas la femme qu'on va prendre en mariage. Je vais décider par Bibi Wakowa, un chauffeur, alors que Bibi ou le soldat n'a pas sa Kowa. Enfin, je suppose. Il y a des femmes pour le militaire, pour le chauffeur. Parce qu'il faut se convenir, non? Deux hommes ne peuvent marcher ensemble que s'ils sont d'accord. Par rapport à ta destinée, Micheline, Dieu t'enverra quelqu'un pour ne pas perturber la destinée. Si tu es chrétien, je suppose que Dieu va t'envoyer un chrétien. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Quel attelage y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Convertir en soi, c'est quoi? Tamaminishisha. Ah, frère, c'est une illusion du mariage. Il est quoi? Niudangani fuandoa. Ingia mundo. Entre dans le mariage. Tu vas voir quelque chose qu'on ne joue pas. Comme la katala, la katala. Donc, kumaminishisha, ce n'est pas évident. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ayeleke inaweye. Donc, enlevons ces illusions. Pour cela, il devait rencontrer Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, Dieu a rencontré Jacob. Mais comment expliquer que Esaïe a changé? Je n'ai pas le temps, on va y revenir en semaine. Parfois, vous pensez qu'il faut que Dieu change nos ennemis. Non. Apana. Le problème. Mambo. C'est moi. Nisisi. Quand Dieu me change. Wakati Mungu ananibadilisha. Le monde change autour de moi. Na ulimwengu mzima inabadilika kando kando yangu. Église. Kanisa. Si Dieu nous change. Kama Mungu anatubadilisha. Le monde va changer autour de nous. Inapasha ibadilike nasi kando kando yetu. Ça va changer autour de nous. Itabadilika kando kando yetu. Ça va changer autour de nous. Itabadilika kando kando yetu. Il sera Esaü. Attaque Isa. Mais les relations ont changé. Il n'a pas voulu prendre les brebis, les bœufs. Il n'a même pas voulu tuer Jacob. Il voulait même escorter Jacob. Vous voyez ton ennemi? Adui wako. Qui veut t'escorter? Anakusindikiza. Frère. Nduku. Rencontre le Seigneur. Tes ennemis wadui wako t'escorteront dans la nouvelle marche. Bata kusindikiza mwenendo mupya. Ils vont t'escorter. Bata kusindikiza. Ils seront tes amis. Bata kuwa barafiki. Cette tante là, cette grand-mère là, ule ce tambo sor- cette sorcière là, wale walozi wote, au nom de Jésus-Christ, mujina la Yesu Kristo, ils vont t'escorter. Bata kusindikiza. C'est comme ça que Dieu s'occupe plus de nous. Je file mon wako na jeleke pa monasi. Que des autres. Que awa wengine. Oh, je prie le Seigneur. Naomba Bwana. Ce matin. Iasubui. Enlève les illusions. Tosha maudanganifu. Mais la seule façon de les enlever. Na namna moja kuyaondoa. C'est de rencontrer le Seigneur. Ni kukutana na Bwana. Rencontre le Seigneur. Kutana na Bwana. La prière c'est bien. Maombi ni vizuri. Le raisonnement c'est mieux. Mafikiri ni vizuri. Fermons nos yeux. Tu finis que macho zetu. Nous voulons prier. Tu n'as pas d'accomba. Tu as une décision à prendre. On a quoi à mpango kubeba? Tu as une décision à prendre ce matin. On a quoi à mpango kubeba ya subuhi? Tu as une décision à prendre. Uko na mpango kubeba? Tu es là ce matin. Tu vis dans les rêves, dans les illusions. Toi, l'illusion de ta position. Toi, l'illusion du mariage. L'illusion de ce que tu fais. Dieu veut te faire grâce ce matin. Dieu veut te donner la vraie réalité qui va changer ta vie. Et ça aura changé ta vie. Anapenda badirisha maisha yako. Changer le monde autour de toi. Tabadirisha ulimwengu kando kando yako. Dieu ne va pas revenir sur le passé. Mungu asitarudia kwa ile iliyopita. Non, bien aimé. Hapana mpendwa. À partir d'aujourd'hui. Tokea leo. Le 27 juillet. Hii mutare ya 27 juillet. Mungu anapenda nouvelle marche avec toi. Mungu anapenda kwanza mwenendo mpya pamoja nawe. Nouvelle marche avec Jacob. Mwenendo mpya na Jacob. Bien aimé, nous avons une nouvelle marche avec le Seigneur. Wapendwa tunakuwa na mwenendo mpya na Bwana. Une nouvelle saison avec le Seigneur. Tunakuwa na hali mpya pamoja na Bwana. Ne condamne même pas. Apana kujilaumu. Nous allons voir à la Sainte Seine. Tutaona kumesa ya Bwana. Le Seigneur m'a mis à cœur. Bwana aliniweka kumoyo. Lors de la Sainte Seine. Wakati ya mesa ya Bwana. Chacun va d'abord se pardonner lui-même. Kila mtu ataweza kujirumia peke yake. Il y a des gens qui ne sont pas encore pardonnés. Kuna wengine wajirumia. Mais que Dieu a pardonné. Wale Mungu aliweza kuwarumia. Ça ne marche pas. Abitembeke vile. Parce que eux-mêmes. Kwa sababu peke yao. Ne sont pas pardonnés. Abajirumia pana. Dans leur pensée. Mumafikiri yao. Dans leur vie. Mumaisha yao. Ce matin. Hii asubuhi. Refuse de vivre dans l'illusion. Amina. Refuse de vivre dans l'illusion. Katala kuishi. Madanganifu. Ce matin. Sema Bwana asubuhi. Je refuse de vivre dans l'illusion. Nakatala kuishi mudanganifu. Que ce que je perçois ile niko naona ne conditionne pas ma vie. Ailingaisha maisha yangu. Que l'angle où je vois les choses ni pale toka sana bitu. Ce n'est pas toujours le meilleur angle. Aina paka mfasi nzuri. Je veux voir les choses clairement. Kuona vitu muali mzuri. Toi Dieu tu le fais. Tu te vois pauvre. Unajiona maskini. Alors que tu n'es pas pauvre. Japo tu una maskini. Tu te vois riche. Unajiona mtajiri. Alors que tu as des choses à faire. Japo pale unahitajia tu biashara. Ne vis pas dans les illusions. Usiishi katika udanganyifu. Je veux que tu élèves ta voix. Napenda unyanyue sauti yako. Commence à prier le Seigneur. Anza kuomba Bwana. Seigneur aide-moi. Sema Bwana unisaidie. Aide-moi ce matin. Unisaidie asubuhi. Aide-moi aussi. Unisaidie nami Bwana. Unisaidie dans ma vie. Mu maisha yangu. Longtemps j'ai vécu dans les illusions. Nishiishi katika udanganyifu. Je pensais que ce que je faisais. Nilianza kufikiri ile kwani kifanya. Ilikuwa ni jibu. Je pensais que ce que j'avais. Nilianza kufikiri ile fanya. C'est la solution. Ilikuwa ni jibu. Je prie le Seigneur. Pendo omba Bwana. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Ne vis plus dans les illusions. Usiishi katika udanganyifu. Continue à prier bien-aimé. Endelea kuomba. Rencontre ce Dieu là. Kutana na huyu Mungu. Rencontre ce Dieu là. Kutana na huyu Mungu. Tomber l'illusion dans ta vie. Merci, Dieu de grâce. Toujours en prière. Endelea kuomba. J'aimerais que tu pries. Napendelea upate kuomba. Pour des choses qui ont amené un poids insupportable dans ta vie. Le vitu vinakuwa ni uzito ila uweze tena maisha yako. Tu sens que dans ta vie il y a un poids que tu ne sais plus supporter. Unasikia kusema maisha yako munakuwa uzito ila uweze tena. À cause. Kwa ajili. Bien-aimé, le temps d'une nouvelle marche a sonné. Wapendo wakati ya mwenendo mpya inagonga. Nous avons Dieu. tukona Mungu. Parfois les décisions c'est par rapport au poids. Les raisonnements c'est par rapport au poids. Mais j'aimerais que tu pries le Seigneur. Que Dieu puisse t'aider. Ili Mungu apate kusaidia. Pendant une minute élève ta voix. Kwa dakika moja nanyua sauti yako. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Au nom de Jésus. Je prie ce matin. Merci Dieu de gloire. Je prie au nom de Jésus. Et j'arrête tous les poids dans nos vies, dans la vie de tes enfants. Ma aussi toyote maisha yetu na maisha watoto wako. Seigneur, merci. Bon accent. Au nom de Jésus-Christ. Mouchina la Yesu Christo. Au nom de Jésus. Mouchina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amen. Pour gagner le temps, nous voulons passer à la table. Et je vais lire un passage. Nous sommes toujours dans l'illusion. Luc chapitre 24. Luca Makumimbili na ine. À partir du verset 30. Ok, à mustare wake wa makumitatu. Jusqu'au 32. Pendant qu'il était à table avec eux, wakati alipokuwa mezani, il prit le pain. Akachukua mkate. Et après avoir rendu grâce, kisha kuweza kumega, il les rompit et le leur donna. Akaivunja na akawapa. Regardez le verset qui suit. Tazama mstari nafata. Alors. Kisha. Alors. Kisha. La conséquence de cet acte que Jésus a posé, a fait de la table. Matokeo ya ile Yesu aliweza kufanya ya meza. Leurs yeux s'ouvrirent. Mecho zao zikafunguka. Et il reconnu. Na kaweza kumtambua. Ils ont reconnu Jésus-Christ. Waliweza kumjua Yesu. Il y a des choses que tu ne connaissais plus. Kuna kitu kile au kwanza tena ukijua. Et tu vivais longtemps dans la marche, bien que tant enfant de Dieu. Na urianza kutembea miaka mingi zaidi kwa kukua tu mtoto wa Mungu. C'est l'histoire de deux disciples de Maïs. Enfant de Dieu, mtoto wa Mungu. Il marche avec Jésus-Christ. Kuna tembea na Yesu Kristo. Mais ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Lakini awamujue Yesu Kristo. Pourquoi? Juu ya nini? Il marche avec Dieu. Mais leur pensée, si vous lisez, était obscurcie. Na mafikiri yao iruweza kuweka katika giza. Il parlait toujours conditionnel, au conditionnel. Alianza kusema tu. Mais à la table. Lakini kumeza. Nous terminons le mois. Tunamaliza mwezi. Je veux qu'on fasse la table aujourd'hui. Na tunapita kumeza leo. Le dimanche prochain sera le premier dimanche du mois d'août. Na juma ya kwanza ya mwezi wa mnane, nous allons lancer notre campagne de l'Ikasita d'or. Je me aussi qu'on fasse la table dimanche prochain. Na tutaanza tutaweka sasa uru l'Ikasita d'or yetu. Quand ils ont fait ça, wakati waliweza kufanya imam, les yeux se sont ouverts. Macho waliweza kufunguka yote. Ils ont dit mais c'est Jésus. Wakasema ni Yesu. Comment expliquer pendant toute la marche ils ne le reconnaissaient pas? Et Jésus leur a parlé des Écritures. Na Yesu aliweza kubasemeza juu ya maandiko. En commençant par Moïse. Kuanzia kwa Moïse. Par la loi. Tokia sheria. Donc dans la loi. Mule musheria. Tu as vu ce qui concerne Jésus. Alianza kusemeza hapa kwa Yesu. Dans la vie. Mumaisha. Tu as vu ce qui concerne Jésus. dans l'église. Tu vois ce qui concerne Jésus-Christ. Mais jusque-là, tu ne le reconnais pas. Tu ne reconnais pas la solution à ta vie. La table est là. Mais ça y est. Je mérite cette table. Que ce soit une table qui nous enlève des illusions. Nous vivons une vie terrible. Souvent, je dis toujours que ce qui est dans le monde se porte. Ce que je vois ici, aina Dieu pas qu'il te pardonne. Peut-être il y a même des choses que moi je n'ai jamais vues. Donc ce que je vois, ce n'est pas tout ce qui est sur la terre. Bien-aimé, je te supplie, par l'amour que j'ai pour toi, à cause du Dieu que je sers, mange cette table avec sérieux, avec foi. Alors, j'aimerais nous préparer à la table. Une façon de nous préparer à la table. C'est le pardon et la repentance. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ne se sont pas encore pardonnés eux-mêmes. Même quand ils ont demandé pardon à Dieu, ils vivent avec le poids du péché. Ici, intérieurement, que j'ai fait ça, il ne veut pas se pardonner. Il faut croire en Dieu, c'est vrai. Mais il faut aussi croire en toi-même. Que tu es enfant de Dieu. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a lavé. Nous allons demander pardon. Mais nous allons aussi nous pardonner. À cause de nos erreurs. À ce moment-là, nous allons nous approcher de la table. Nous demanderons pardon à Dieu. Nous nous pardonnerons. Nous pardonnerons à ceux qui nous ont offensés. Et puis nous allons nous approcher de la table. Suivez-moi bien, je ne veux pas que ce soit un rite. Je veux nous aider. Nous allons prier pour demander pardon à Dieu. Et la Bible nous dit que si nous demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Et puis nous allons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si tu vas déposer ton offrande, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord arranger. Et après nous allons nous pardonner. En transition, je croisais des personnes. Je me rappelle toujours, pasteur. dans le passé, j'ai avorté. Et puis je lui dis, Dieu t'a pardonné. Si tu ne te pardonnes pas toi-même, tu n'avanceras pas. Quelle que soit la quantité de serviteurs qui allons t'imposer la main, tu dois te pardonner. Parce que Dieu t'a pardonné. Et quand nous allons nous approcher de la table, nous allons le reconnaître qu'il est le Seigneur. Alors j'aimerais que nous puissions prier d'abord. Tu vas implorer le pardon de Dieu. Bon, implorer signifie quoi? Dieu nous a déjà pardonné parce que nous sommes enfants de Dieu. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour toi. Pour tes péchés passés. Tes péchés présents et même tes péchés futurs. Alors dis Seigneur merci. Parce que le sang de Jésus m'a lavé. Merci parce que je suis sanctifié par le sang de Jésus. Christ est mort à la croix pour moi. Je regrette mon péché. Je prends la décision ce matin de ne plus mener cette vie de péché et de commencer une nouvelle vie avec toi. Amen. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Implore la miséricorde de Dieu sur ta vie. Implore le pardon de Dieu sur ta vie. Il est fidèle. Il est juste. Il est juste ce matin. Oh, il veut te pardonner. Il est là, il te dit viens. Viens, pécheur, je vais te pardonner. Viens, mon cœur est là. Il a dit j'irai vers mon père. Je lui dirais père, j'ai péché contre toi. Amen. Le père ne lui a pas dit rappelez, tu m'as volé mon argent. Non. Le père l'a accueilli. Baba, ce père là ce matin, baba yasubui, il veut t'accueillir. C'est lui qui te regardait sur la route venir. C'est lui qui a voulu que tu viennes ce matin. Oh, il veut te pardonner. Anabenda kurumia. Et il te pardonne si tu es sincère. Nana kulomba kama ukumonye aki. Seigneur, merci pour le sang de Jésus. Sema atante kwa damu ya le Yesu. Sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Damu limwangika kumusalaba le Golgotha. Sang qui nous purifie de toute iniquité. Damu inatuosha muzambi zote. Pardon à toi. Na tunalomba buruma nous kwako. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Tulifanya kila kikuweza kupendeza. Moi et l'église. Alléluia. Nous avons péché, Seigneur. Tulifanya zambi bwana. Nous n'avons pas servi comme il fallait. Nous n'avons pas obéi à ta parole. Nous avons été négligents dans le travail. Alléluia. Pardonne, Seigneur. Rumia tena bwana. Purifie, Seigneur. Takasa tena bwana. Nous avons besoin de toi. Tunakuitachia asubuhi. Merci pour ton sang. Asante kwa damu yako. Merci pour ton pardon. Asante kwa buluma wako. Au nom de Jésus. Mu jina la Yesu. Je veux que tu pardonnes aussi ceux qui te font du mal. Napenda urumia wale wanakutendea mabaya. Il y a plusieurs personnes en ces lieux. Kuna watu wengi pa nafasi hapa. Qui portent dans leur cœur des personnes qui leur ont fait du mal. Basha kushika batu ndana mioyo yao waliweza kuwatendea mabaya. Tu réduis la place de Dieu dans ton cœur. Mupendo acha fasi ya Mungu moyo wako. Je veux que tu pardonnes. Napendelea wewe upate kurumia. Si vous remettez pas aux hommes leurs offenses, votre père aussi ne vous remettra pas vos offenses. Amen. Élève ta voix. Commence à pardonner. Ta femme t'a fait du mal. Ton mari t'a fait du mal. Ta mère, ton père, ta mère, ta soeur, ton ami, pardonne seulement. Pardonne seulement. À cause de Dieu. Seigneur, à cause de toi. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne. Ça fait mal dans le cœur. Quand je pense à ça, ça fait mal quand je me souviens de lui. Mais à cause de toi, je pardonne, Seigneur. Je pardonne, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, Jésus. Oh, merci Seigneur. La troisième chose, tu dois te pardonner toi-même maintenant. Pardonner tes échecs. Mais tu es un homme. Tu n'étonnes pas Dieu. Tu dois te pardonner. Tu as fait couler le sang. Toi, tu as fait couler le sang. Tu as menti. Tu as volé. Tout ce que tu as fait. Dieu t'a pardonné. Pardonne-toi aussi. Pour ne pas recommencer. Il n'y a plus de fardeau. Et pendant que nous prions, nous voulons nous approcher de la table. Si tu sens qu'il y a toujours un grand fardeau sur toi, viens devant, n'attends pas. Je te dis que dans l'église, il faut bouger au rythme de Dieu. Pendant que tu pries, si le fardeau ne te quitte pas, viens, nous allons prier avec toi. Il est aussi toi écoute que tu tombes pour moi. Sois sincère. Pardonne-toi toi-même aussi. Alléluia. Élève ta voix. Commence à prier. Pardonne-toi. Seigneur, je me pardonne. Je sais que j'ai commis des erreurs. Moi-même, je ne pouvais pas m'accepter dans ces faiblesses, dans ces choses. Mais ce matin, je me pardonne. Moi-même. Comme tu m'as pardonné, moi aussi je vais me pardonner. Oui, continue à prier, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église, c'est sa première fois de prendre la table, il peut lever la main là où il est. Si c'est ta première fois, tu as été baptisé et que tu n'as jamais mangé la table, lève ta main. Amen. Ok, tous ceux qui vont manger la table sont des gens baptisés. Je vais bénir la table. Et on va m'amener. Est-ce que je peux trouver deux autres tables? Amène-moi deux autres tables là et là. Avec des nappes rapidement. Pour gagner le temps, pendant que je bénis la table. Pour que les gens passent devant pour se servir eux-mêmes. Seigneur, merci ce matin. Ce jour-là, il est si court, devant les disciples qui se posaient mille et une questions à cause de la tristesse. Et qui avait une mauvaise perception de ta résurrection. Il fallait la table pour ouvrir les yeux. Tu ne veux plus qu'on continue à vivre dans les illusions. Tu veux que nous puissions te reconnaître, toi. Et reconnaître les capacités, le potentiel que tu as mis en nous. Pour nous catapulter dans notre destinée. C'est pourquoi je prie pour cette table. Au nom de Jésus. Je sanctifie cette table. Que ce pain soit réellement le corps de Christ. Que ce vin soit réellement le sang de Christ. Que désormais nous puissions te voir. Te voir véritablement. Et voir la réalité dans notre vie. Voir la réalité dans notre vie. Fini les fausses perceptions. Que les choses carrées, nous les voyons carrées. Que les choses rectangulaires, nous les voyons rectangulaires. Alléluia. Parce que toi, tu es la vérité. Dans le mariage. Dans l'église. Dans la vie. Dans le ministère, dans les affaires, Seigneur, nous refusons les illusions. Ouvre-nous les yeux, comme tu as ouvert les yeux de ces disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. Alors, quand ils ont rebroussé chemin, ils ont eu la capacité d'annoncer Jésus-Christ ressuscité. Je prie. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Un nouveau départ. Donc nous allons passer cette table dans une attitude de prière. Les pasteurs anciens qui sont là peuvent passer des temps. La chorale. Nous allons partager la table. Ils vont se tenir derrière les tables, les anciens, les pasteurs. Pendant que nous allons venir partager la table. Et à ce moment-là, après, je vais vous donner des communiqués. J'ai beaucoup de choses, des sujets de prière. Ne partons pas. Parce qu'il est très dangereux de tourner le dos à la parole de Dieu. Quand vous êtes dans une église, je vous donne un conseil pendant que ça me revient. Ne tournez jamais le dos à la parole. Ne sortez jamais quand on prêche. Restez toujours en face de la parole. Je donne beaucoup de choses parce qu'à partir du mois d'août, nous allons même changer notre façon de prier. Nos cultes seront changés. Je veux vraiment que le Seigneur puisse nous aider. La chorale continue de cantiquer. Micheline. Jésus. Nekulusu. Nekulusu nanya biki sami. Nekulusu. Nekulusu. Nekulusu nanya pambula mi. La poto mi balé na gulugutsa Yesu nanga alunga ki satana bula poto mi balé na gulugutsa Yesu nanga Sous-soit salité, le pasteur se tienne derrière, ici, les tables. Les protocoles vont nous aider à passer pour prendre la table. Nous comptons dans une attitude de prière. Tu viens, tu prends le pain, tu commences avec le pain et puis tu prends le vin. Vous avancez déjà dans l'attitude de prière. Quand vous rentrez à votre place, vous continuez à prier. Que Dieu vous bénisse. La parole continue. Ne perds pas ce moment de prière. Continue à prier pour toi-même, ta vie. Il est ma illusion, il est ma rêve. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Seigneur, nous refusons aujourd'hui les illusions dans nos vies. Tout la katana. Puisse ma isha ma illusion. Ma isha, il est ma rêve. Aïna tu réalité. Mais tout la ishi. Ça tout ma planète. Il n'a pas. Mon gouvernement ne connaît ma. Kanisa ya. Ma isha yetu. Ma isha yetu. Mon Léo, il peut départ mon pia. Départ mon pia. Turiwazia, il est trop bien à résoudre le problème. Ami résoudre. Turiwazia, ami résoudre. Mais Léo, tout ça. Léo, tout ça. Mais lève ta voix, continue à prier le Seigneur. Holy Ghost. Seigneur, nous te disons merci. Baba, tu n'as jamais accent. Pour ta présence au milieu de nous. Des choses qui étaient pour nous des illusions. Aujourd'hui, nous voyons la réalité. Attaché à ta parole. C'est pourquoi je recommande l'église entre tes mains. C'est pourquoi je prie pour tes serviteurs et servantes. C'est pourquoi je prie pour ce moment. Que ce soit un nouveau départ pour la vie. Je te bénis. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pendant que tu acclames le Seigneur, qu'il enlève les illusions de ta vie. Qu'il te donne de voir la réalité des choses. Qu'il illumine tes yeux. Il ouvre tes yeux. Pour voir la réalité des choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Nous allons passer aux offrandes. Nous donnons les offrandes. Alléluia. Amina. On nous met les paniers, la chorale nous accompagne. Pendant que nous donnons les offrandes. Mes amis de canon vocal, un instant, venez enlever la table. N'attendez pas qu'on vous donne le service. Venez. Enlevez la table. Dans l'église, il faut servir. Non, papa, non, là, laisse mes enfants ici, ils vont prendre. Soulevez la table. C'est ça. Dans l'église, souvent, il ne faut pas attendre qu'on vous demande un service. Généralement, Dieu bénit les gens qui sont prompts au service. Le serviteur n'est pas celui à qui on demande un service. Celui à qui on demande le service, c'est les salariés. Les serviteurs, c'est celui qui fait que Dieu bénit. J'ai dit que ce mois, je vais en parler tantôt là. Nous devons changer beaucoup de choses. Pas seulement désormais. Dorénavant, comme on dit en français. Comprenons ces choses, ça va nous aider pour notre vie. Et nous serons véritablement des enfants de Dieu prompts. Au service. Nous donnons les offrandes avec joie pendant que la chorale nous accompagne. Tunamchezea Mungu Baba. Amen, amen. Nous sommes arrivés au moment de communiquer. Amen, Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est pour la première fois qu'il prie avec nous à la source féconde? Si c'est votre première fois de prier ensemble avec nous à la source féconde, vous pouvez juste lever votre main de là où vous êtes. Nous allons vous saluer. Il y a un bien-aimé qui est là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur pendant la croisade qui a eu lieu à Likassi cette semaine et qui est là jusque dimanche, qui est venu ce matin? Il peut lever sa main. Il y a le frère qui est là. Est-ce qu'il peut se tenir debout? On peut acclamer le Seigneur pour lui. Il y a aussi une sœur qui est là. Mets-toi debout. Mettez-vous debout, restez debout, mes amis. Restez debout. Oh, il y a le frère qui est là. Il y a le frère qui est là. Il y a la sœur qui est là. Tenez-vous debout, restez debout. Est-ce que l'église, on peut se lever et acclamer très bien? Oh, est-ce qu'on peut les acclamer très bien? Est-ce qu'on peut les acclamer très bien? On peut les acclamer très bien. Amen. Restez debout, mes bien-aimés. Restez debout, qu'on vous voit bien. Restez debout. J'espère que vous les avez tous salués. Ok. Oh, nous sommes vraiment dans la joie de vous voir au milieu de nous. J'ai cherché les places pour vous mettre ici devant. Il y a cette place. Venez seulement ici. Ceux qui sont là, venez vous asseoir ici devant. Venez, mes amis. Venez vous asseoir ici devant. Venez vous asseoir devant. Mettez-les devant. Ma soeur, venez. Ma soeur aussi, venez. Venez devant. Venez devant. Là-bas. Venez devant. Micheline, restez debout. Albert, restez debout. Patricia, restez debout. Venez, maman. Venez. Dada Patricia, prends une chaise là, tu la mets là-bas. des choristes qui sont encore jeunes qui vont rester debout aussi pendant un temps. Ok, j'aimerais maintenant qu'on les acclame très fort, très fort. Ok, restez seulement là. À la fin du culte, nous allons parler avec vous. Nous sommes vraiment dans la joie de vous voir au milieu de nous. Et nous voulons échanger avec vous. Nous voulons vous montrer notre amour. Non seulement pour Dieu, mais pour vous aussi. Et nous allons passer beaucoup de moments avec vous. Nous allons passer la vie avec vous sur terre et au ciel. Ça, c'est merveilleux. Il y a des gens qu'on rencontre sur terre qu'on ne rencontrera pas au ciel. Mais vous, je suis sûr, et sur la terre et au ciel, nous serons ensemble. Alors, restons là. Après le culte, nous allons nous entretenir pendant un moment. On les acclame encore pour les encourager. Amen, amen. Nous donnons le programme de la semaine. De lundi à vendredi, ici chez nous à l'église, de 6h à 7h, il y a prière matinale. Lundi, à partir de 16h30 jusqu'à 18h, nous avons nos secteurs. Et le secteur 40 maisons et quartiers Zout, ils vont se rencontrer chez papa Olivier Kiboué. Le secteur camp SNCC et USS, ils seront ici chez nous à l'église, c'est déjà demain à partir de 16h30. Secteur quartier mission 1, ils sont chez papa Eric et maman Fifi. Et le secteur quartier mission 2 et Chitourou, ils sont chez papa Jules Niembo. Pour le reste des programmes, nous faisons appel à papa. Pendant qu'il s'avance, nous applaudissons pour la gloire de Dieu. Nous allons aller vite pour donner le reste du programme. D'abord, je donne le programme de la semaine. Bien-aimé, il n'y a pas de vie chrétienne sans la prière. La prière, c'est la respiration de la vie chrétienne d'un enfant de Dieu. Et c'est très important que nous ayons toujours des moments de prière. La fin d'un mois, le début du mois, c'est toujours des moments importants de prière. Donc nous avons prière qui commence mercredi, jeudi, vendredi. Et nous allons terminer dimanche avec la Sainte-Cène. Donc mercredi, jeudi, vendredi à partir de 16h30, nous voulons passer de moments de prière. Il n'y a pas une vie sans prière. Et pour changer certaines choses dans la vie, il faut passer des moments avec le Seigneur. La vie est ce qu'elle est. Alors ne passons pas beaucoup de temps à nous plaindre. Passons de moments dans la présence du Seigneur. Vous savez, il y a des choses que tu peux décider à ne pas regarder dans la vie. Ne conditionne pas que les réseaux sociaux t'imposent leur programme. La vie, c'est différent vraiment des réseaux sociaux. C'est différent de la télévision. Vous avez à la télévision, tu peux avoir peur de quelqu'un qui est déjà mort il y a un siècle parce qu'on montre un film. Tu peux vouloir épouser une femme qui est déjà décédée parce que tu la vois à la télévision. Donc il y a aussi des illusions à la télévision. Venons passer des moments avec le Seigneur. Nous terminons le mois de juillet. Et nous lançons le mois d'août, on a dit c'est pour nous le mois d'évangélisation. Et nous lançons notre programme de Likasitador le dimanche prochain. Je vais vous donner le programme dimanche prochain. Je sais que nous avons un travail très important cette semaine avec toutes les équipes. Quand cela ne tienne la vie est faite comme ça, nous allons travailler pour fixer toutes les choses. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons prière à 16h30. Vendredi matin, nous avons visite, nous choisissons d'abord une prison, Boma. C'est le premier, c'est férié. L'église, je nous exhorte à aller visiter nos frères qui sont en prison. Si vous avez de la farine, si vous avez des choses à manger, des habits, venez déposer à l'église. Pour que nous puissions bénir nos bien-aimés. Le vendredi matin. Je suppose qu'à 10h30, nous partons d'ici. Pour nous permettre de rentrer plus tôt et de faire le travail à Boma comme je l'invite. Alléluia. Amen. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, prière le soir. Vendredi matin à 10h, visite à Boma. Donc, toutes les équipes. Social, évangélisation, nous nous préparons quant à ce. Je vais d'abord donner l'anniversaire. Enfant Kaniel Mwamba qui fait son anniversaire, il est où? Mutoto Kaniel Mwamba ko na sherekea sikukuu yake ya kuzalika. Est-ce qu'il est au milieu de nous? Eko katikati yetu. Il est où? Kaniel. Est-ce qu'on peut acclamer ma fille qui vient? Tunaweza kumpikia mtoto mikono kwa mon encourage. On encourage, viens, viens mon ami. C'est l'enfant de papa joli. C'est ton enfant. Oh, tu es très joli. Hein? Ok. Elle fait son anniversaire. Nous allons prier pour elle. Qui doit faire son anniversaire? On n'a pas donné son nom. Mais voilà, est-ce qu'on peut les encourager? Tu mets au milieu de mes deux enfants ici. Voilà. Oh, Mukuba, toi je ne t'ai pas vu. Toi aussi. Allez. Qui d'autre? Oh, venez, encourageons les anniversaires. Oui, vas-y, chante pour nous, vas-y. Ça sent pas piquer mes ailes, mais qu'on a bien anniversaire. Nous allons prier sur leur anniversaire. Dieu leur donne une année de plus. Nous le recommandons à la main de Dieu. Que Dieu les soutienne. Seigneur, merci pour ce jour nouveau. Je bénis tes enfants. Je le commande à ta grâce. Que quelque chose de nouveau commence dans leur vie. Oh, je proclame la réussite. Je proclame la vie. Seigneur, rien ne va les perturber. Une année de grâce, de faveur. Une année où ils vont voir les potentiels réels que tu as déposés en eux, être libérés pour de grandes choses. Je les bénis, Seigneur. Je bénis ce jour en te disant merci avec eux, avec la famille. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Ils rentrent à leur place et nous les encourageons, nous les encourageons. Ok, nous continuons avec notre programme. Le 2 août, c'est samedi, il y aura mariage à l'église Christ Rédempteur. Le frère Nico Longy et la sœur Olive Mando. Est-ce qu'ils sont là? Venez, venez mes amis. Venez. Est-ce qu'on peut les encourager très fort? Oh, frère Nico, que Dieu te bénisse. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content que le frère continue aussi l'évangélisation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ok, donc, qui serait adapteur, c'est à quelques mètres d'ici. Samedi, allons encourager notre frère qui prie avec nous. Il se marie à la sœur et c'est quelque chose de bien pour nous. Nous bénissons le Seigneur et que Dieu soit glorifié. Nous encourageons les jeunes gens à faire les choses correctement. Et nous encourageons le département de fiançailles à travailler. Par la même occasion, évidemment, j'exhorte tous les jeunes de l'église, fiancés, mariés, prétendants. Chaque fois que je regarde les images samedi, je suis les thèmes, je lis tout. Ah, moi, toi, je ne t'ai pas vu sur la photo que j'ai vue. Toi non plus, toi non plus, toi non plus, toi non plus. Jonathan non plus, grâce. Je regarde, j'essaie de voir. C'est important d'apprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous minimisez. Vous savez que la connaissance résout beaucoup de choses. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas prier. Parce que tu connais. Quand ça se gâte, quand ça se gâte dans la vie, tu vas chercher toutes les montagnes du monde. Mais pourtant, c'est le temps que Dieu vous donne d'apprendre. On parle des parrains. C'est ça? Des parrains. On a commencé à parler des parrains. Venez, venez suivre ces enseignements. C'est important. Et c'est des serviteurs de notre église qui donnent ces enseignements. Je bénis le Seigneur. Pendant qu'ils rentrent à leur place, nous acclamons le Seigneur pour les encourager. Et Codim, nous rappelons qu'il faut donner les 18 000 francs pour l'achat des cadeaux des enfants. Je suis là, nous signe ton accompagnement, j'ai déjà collecté 18 000 francs, je vais vous accompagner les cadeaux. Nécrologie. Abadia Kifo. Papa Lukusa, époux de maman Béa Lukusa, a perdu son grand frère. Le deuil est observé au KDL. Au KDL. Papa Lukusa, en attendant le programme d'enterrement. Donc allons soutenir maman Béa et papa Lukusa. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup d'événements ce mois d'août qui va bientôt commencer. Et j'aimerais vous faire part de certaines choses. La première chose, je suis honoré par deux serviteurs de Dieu qui sont dans notre église ce matin, qui font la théologie et qui sont affectés dans notre église pendant tout le mois d'août dans le cadre du programme de cours d'évangélisation. Alors j'ai voulu vraiment travailler avec eux au mois d'août. Et j'ai voulu vraiment les recevoir. Je me suis débrouillé pour être là aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce. Et nous sommes là. Alors, je vais leur demander de passer devant. Papa Justin Baz et Maman Célestine. Ils vont passer devant. Ok, Maman Célestine, passez devant. Voilà, ce sont deux serviteurs. Est-ce qu'on peut les encourager, les accueillir? Alors, ils font tous la théologie. Et en même temps, ils prient à la borne. J'ai reçu le formulaire, j'ai reçu l'appel du pasteur Gauthier. Et ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous allons les associer à tout le programme d'évangélisation. Et nous allons travailler avec eux pendant tout le mois d'août qui tombe bien. C'était prévu au mois de juillet, mais moi j'ai demandé une dérogation que, comme c'est l'évangélisation, comme nous le mois d'août c'est l'évangélisation, j'ai demandé qu'on pousse ça au mois d'août. Et on me l'a accordé, ils sont là au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur. Je les connais tous. Et c'est toujours bien de faire la théologie. Surtout quand c'est l'Église qui vous le commande. Donc vous les verrez travailler avec nous, vous les verrez travailler à la chair, vous les verrez travailler dans les départements. Alors, prêtons-leur assistance. Et c'est toujours pour notre bien. Il y a aussi beaucoup de choses que nous allons apprendre par leur présence. Pendant qu'ils rentrent à leur place, nous les acclamons. Nous les ce mardi à 17h, j'ai réunion avec tout le monde par rapport à l'Ikasi Tador. Toutes les commissions. Ma commission yote. Parce que demain lundi, là, je vais travailler avec la coordination. Demain lundi, je travaille avec la coordination. Et mardi, nous travaillons avec toutes les commissions. Il y a des petits changements. Mais néanmoins, dimanche, nous vous donnons la maquette de l'Ikasi Tador et nous lançons le programme Delicacy Tador. Na mujuma tutamikaburia picha ya vile tapitikana Delicacy Tador na kumikabu na kuanzisha tena yote mujuma. Donc c'est un moment d'évangélisation. Inakuwa ni wakati ya kupasha habari njema. Qui sera couronné par une croisade le 30 et le 31 à la place de la gare. Itaweza kumalizika na hata na mkusanyiko mkubwa pa fasi ya gare. Qui sera précédé le 29 d'un banquet d'évangélisation. Dimanche prochain, on ne va pas beaucoup parler parce qu'on doit expliquer beaucoup de choses. Et le banquet d'évangélisation, nous avons donné certaines caractéristiques. Il va se passer au terrain golf. Où nous allons inviter des gens. Et ça sera vendredi. Samedi, dimanche, nous faisons la croisade. Et lundi qui viendra, probablement nous aurons une école de prophètes ici dans l'église. Et nous allons terminer notre programme d'évangélisation. Voilà, tout ça, nous vous le donnons le dimanche prochain. Alors, je demande à toutes les commissions de travailler. Première chose. Deuxième chose. Cette semaine, vous allez recevoir des faire-part et des invitations. Ces faire-part-là, nous allons demander la contribution. Contribuons à cette action d'évangélisation. C'est une action de l'Église source féconde. L'évangélisation demande beaucoup de moyens. Mais je sais que Dieu reste fidèle. Alors, même si tu ne reçois pas le faire part, on peut oublier ton nom. Mais déjà toi-même, dis-toi, non, non, voici ce que je peux faire, voici ce que je peux donner. Tout ce que vous pouvez donner est très important pour ce travail. Et nous vous exhortons à le faire comme le faisons pour Dieu. Et c'est très important pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà les quelques communiqués que j'avais, il en reste encore deux ou trois. Donc je disais que demain je travaille à la coordination de l'éducation à 17h, mardi à 17h toutes les commissions. Na mardi na 17h na ma commission yote. Je vais réfléchir aussi, j'ai une réflexion avec les responsables des chorales, de toutes les chorales. Et de médias, j'ai une petite réflexion, je voulais qu'on fasse avec vous ensemble. Donc, le mois qui vient, nous allons changer un peu le chronogramme et le programme de nos cultes. Nous allons fixer le temps, nous allons fixer ceci, nous allons fixer ce show, cela. Alors, comme ça, je voulais travailler avec quelques personnes pour cela. Il y a un autre événement heureux que je voulais vous annoncer. C'est que le 2 et le 3 août, nous avons notre sœur Gloria qui présente son album Le nom de Jésus au stade de Chitourou, non, au stade de basket de Chitourou, samedi à 15h, c'est 15h Elvis? Samedi à 15h et dimanche à 15h. Nous voulons encourager ce talent. Nous voulons encourager ce don à l'église. Avant que je prie pour elle et pour tout son groupe s'ils sont là, j'ai vu ses soeurs arriver à l'église. Elles venaient de se marier à Kinshasa. Elle avait l'amour de la musique, de ce qu'elle faisait. Tout de suite, elle s'est intégrée dans la chorale de maman. Et elle a commencé à chanter. Mais elle me disait toujours certaines choses. Papa, moi, je vais chanter moi-même. Papa, moi, je vais faire le business moi-même. Papa, moi, je vais faire le magasin moi-même. Beaucoup de zèle, beaucoup d'enthousiasme. Au fil du temps, je crois que Dieu continue à l'aider. Et quand elle a voulu faire ce travail, elle est venue avec son mari. J'ai assisté à certaines répétitions, tout ça, etc. Chaque jour qui passe, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je suis fier de ce talent. Et en tant que père, en tant que pasteur, j'ai le devoir de soutenir les dons. Quand je découvre dans l'église les dons et les talents, je les soutiens. J'essaie de les pousser au mieux que je peux. Tout en exhortant à la... Il y a la fidélité. Il y a la loyauté. Ok, j'espère que l'on a bien traduit. Et beaucoup de gens ont ce problème-là. On vient faible à l'église. Quand la gloire, j'ai dit tantôt que la gloire, elle pèse plus que la pauvreté. Elle est difficile à être contenue. Mais je pense que nous allons travailler ensemble pour pour ça. Pourquoi je le fais? Nous allons soutenir l'église, allons au stade, au stadium le samedi, le dimanche. Nous le faisons par amour pour Dieu, par amour pour notre sœur. Et ce que nous faisons pour elle, ça signifie que je le ferai aussi pour toi. Le jour où je verrai que tu te lances, je verrai que tu es sérieux. J'aime les Ivoiriens, les articles là parfois c'est compliqué. Sérieux. Si tu es sérieux, si tu es loyal, nous allons t'encourager de la même façon. Alléluia. Amen. Et j'ai tenu vraiment moi-même à faire ce speech. À prier pour elle, pour ce travail qui va venir. Et à la présenter à l'église. Vous savez, il y a un verset, j'ai laissé ma Bible là-bas, le psaume 123. Zaburi, il dit, les enfants, c'est un cadeau, n'est-ce pas, de l'Éternel. C'est comme les flèches. Le parent n'aura pas honte quand l'ennemi viendra à la porte. C'est-à-dire que l'ennemi, là, ce n'est pas forcément le diable. Quand la famine vient à la porte d'un parent, le parent prend une flèche qui s'appelle enfant qui a la richesse. Il lance. L'enfant lui amène la farine. Il mange. Quand il y a un problème de louange qui se pose chez le parent lance une flèche. Quand il y a un problème de maladie pour la guérison. Voilà. Donc, tous les enfants sont la solution aux parents. Donc voici, j'ai beaucoup de solutions. Quand j'ai un problème, Maman Charlotte, allez un peu résoudre ce problème-là. C'est toujours le pasteur qui résout le problème. Tel va résoudre. Donc, le parent a beaucoup de flèches dans son carquois. Et quand l'ennemi vient, il peut lancer les différentes flèches et résoudre le problème. Donc vous tous là, vous êtes les flèches de l'église. Et chaque fois que nous pouvons résoudre le problème avec vous. Alors j'invite la sœur Gloria et son groupe, venez devant, on va prier pour vous. Pour le travail qui va commencer. Est-ce qu'on peut l'encourager? Et après, vous allez chanter, ne vous en faites pas, mettez-vous à genoux, bien que vous êtes arrivé en retard. Ah, ok, mettez-vous à genoux, j'ai compris. On va prier pour vous. Le bassiste est où? Ah voilà, j'ai cherché le bassiste. Lui je connais. Ah, maintenant tu mets les lunettes. Celui-ci c'est mon fils hein? Ok, nous allons prier pour eux. Nous leur recommandons la grâce de Dieu. Que Dieu puisse les bénir. Que Dieu les soutienne dans le travail qu'ils vont faire à partir de samedi. C'est un travail de Dieu que vous allez faire. Dieu a dit à Abraham, regarde les gens au ciel. Tes enfants seront comme des stars. Donc être star, ça fait partie aussi du salut. Mais maintenant, il faut bien gérer la lumière de l'étoile. Et je prie que Dieu vous aide avec sagesse à gérer cette lumière. Est-ce que vous pouvez élever là-bas toute l'église et les bénir? Prions pour eux. On prie pour eux. On prie pour eux. Prie pour eux, bénis-les, bien-aimés. Seigneur, merci. Je prie pour la sœur Gloria et son groupe. Que tu la oignes dans ce ministère. Qu'elle prospère, qu'elle aille de l'avant. Je la recommande entre tes mains. Je bénis le travail qu'elle va faire. Élevez Dieu en public. Montre l'identité. Montre ce que Dieu est. Il donne gloire à ton nom. Toi aussi, veille sur elle. Veille sur ses préparatifs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je recommande tout le groupe entre tes mains. Je les bénis, Seigneur. Je les recommande à ta grâce. Bénis-les, soutiens-les, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Restez déjà ici. Ils vont chanter juste après nous. Wataimba badai. J'ai même oublié que c'était Keren, c'est toi. Ah. Kumbi, sangue-moi uniforme, n'a changé avant toi. Alléluia. Amen. Ok, avant de terminer, je voudrais prier pour les, mes enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Partout où je passe, on me dit toujours, je pose tellement de problèmes aux gens, je demande tellement de problèmes. On me dit toujours, mais Désiré, dis-nous la vérité. Tu as tellement d'enfants, tu en as combien? Moi, je ne connais pas le nombre, mais j'ai beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais aussi prier pour mes enfants qui présentent demain les examens d'État. Vous savez, les examens d'État commencent demain. Je prie toujours dans cette église qu'il n'y ait pas d'échec aux examens d'État. Mais cette année, je prie hein, que le lauréat de la République démocratique du Congo vienne de cette église. Je le crois. Alléluia. Amina. Je le crois. Le lauréat de l'ICASI doit venir de la source féconde. Mathématiques, physique, chimie, source féconde. Alors, tous mes enfants qui sont en sixième, venez devant. On va prier pour vous. Demain, que notre onction vous accompagne. Kesho. Et toi aussi. Donne-moi la main. Viens me saluer. Ok. Mettez-vous ici. Regardez les parents. Ils vont prier pour vous. Et tout sur le protocole. Waouh. Les autres qui sont en sixième. Cette année, ils ne sont pas nombreux. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 diplômes. Il n'y a pas d'autres diplômes. Moi, j'ai besoin de beaucoup de diplômes. Si vous avez un enfant qui est en sixième, mais qui n'est pas là, passez devant. C'est ça la foi, passez devant. Hey, papa Crispin, toi tu as déjà un enfant qui est en sixième. Maman Nyota, je ne l'ai pas vue. Elle est où, mon Nyota? Elle est empêchée, hein? Ça dit tout. Mais c'est terrible. Venez, voilà, on va prier pour eux. Vous avez un enfant qui est en sixième. Nous vous attendons. Venez. On va prier pour vous. Venez. Que cette onction communique vos enfants, se communique à vos enfants. Nous croyons. Paul, il parlait à Timothée, il dit que Timothée, que le Dieu que tu sers, que ta mère, que ta grand-mère a servi. Voilà, c'est très important. Alors, étendons nos mains vers eux. Étendons nos mains vers eux. Bénissons-les. Demain, tout toutes les ruses de l'ennemi qui volent l'intelligence des enfants, qui perturbent les enfants dans la salle, nous le refusons. Nous voulons que nos enfants soient protégés, que l'intelligence soit renouvelée. Quand on va corriger leur copie, que le sang de Jésus est déjà corrigé, je déclare déjà la réussite. Personne ne souhaitera. Le sang qui est sur nous va couler dans vos vies jusque sur vos papiers d'examen d'état. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix, prions pour eux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À santé, bon. Maintenant, vous tournez, vous me regardez. Les parents vous ont béni, comme vous êtes tendu la main. Maintenant, vous levez les mains. Je déclare. Dans le nom puissant de Jésus, votre réussite aux examens d'état, vous réussirez. Vos copies sont sélectionnées par le Seigneur. Alléluia. Aucun homme, aucune puissance des ténèbres ne va se jouer de vos copies. Je proclame la victoire. Je proclame la réussite. Vous n'allez pas tomber malade pendant les examens d'état. Il n'y aura pas de bandits dans vos maisons pendant les examens d'état. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles dans vos vies pendant les examens d'état. Alléluia. L'essence de Dieu, le Dieu que je sais, vont entourer vos maisons. Alléluia. Au nom de Jésus. L'essence de Dieu vont vous accompagner dans la salle. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mauvais événements. La gloire de Dieu est sur vous. Le Dieu qui est dans cette église va vous visiter, va vous toucher. Vous réussirez. Et je prie le Seigneur. Vous serez parmi les lauréats de cette session d'examens d'état. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Soyez fort demain. Évitez de vous embrouiller dans les circuits, c'est ça? C'est ça. Dans Penti. Non, évitez de vous embrouiller, mon Penti. Penti, non, non. Vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent. Que Dieu va vous faire grâce. Je continue à croire en ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je pense que j'ai donné tous les communiqués. Je n'ai rien oublié. Je n'ai oublié. Je vérifie, donne-moi deux minutes. Tous les communiqués ont été donnés. Je prie pour tout le monde. Holy Praise, Licacitador et examen d'état, on a prié pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever? Tiens-toi debout. Salut celui qui est à côté de toi. Tu as bien fait de venir à l'église aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Lèvons nos mains. Jéhovah. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare une semaine bénie et épanouie. Je bénis nos trois journées de prière. Je bénis la visite à la prison. Je bénis les examens d'état qui vont se faire. Je bénis la grâce et la puissance de Dieu qui va se manifester. Je bénis tous les préparatifs de l'Icacitador. Je bénis ton peuple ce matin qui est venu poursuivre ta parole. Je te bénis Seigneur. Nous n'allons plus vivre dans les illusions. Ta grâce sera au milieu de nous. Sois béni, sois élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen.